Donc, quand j'ai commencé à m'acheter et que je disais que je refais cette parole, nul ne m'a jamais prêché, nul ne m'a jamais parlé comme vous êtes en train de me parler des paroles du Seigneur. Quand je reçois cette parole et je disais Amen. Et puis, on appelle ça en anglais quoi, iron box. Il y avait, c'est comme si je portais trois fardeaux en moi-même. Donc, il y avait un petit fardeau, un moyen fardeau et un grand fardeau. Et le fardeau était une forme of iron box. C'est pour dire un peu des cartons comme en métal. Donc, je vois d'abord un petit fardeau est sorti de moi. Un moyen, le moyen fardeau est sorti de moi et le grand fardeau aussi est sorti de moi. Et je ne faisais que. Et après, je suis restée tranquille et je ne faisais que parler. Ma bouche ne faisait que parler, parler, parler, parler, parler. Je sais même pas ce que je disais, mais je sais seulement que je parlais des merveilles du Seigneur. Voilà. Je parlais des merveilles du Seigneur. Ça ne faisait que parler et parler. Je ne pouvais même pas m'arrêter de parler, je ne faisais que parler, je ne faisais que parler. Et puis c'est comme ça que subitement je me retrouve encore comme si je venais tout juste d'arriver et lui demander que j'ai besoin, avec la feuille, que j'ai besoin du chemin. Et il me dit, attends, je finis de battre le fer et je vais te conduire dans le chemin que tu veux suivre. Donc après là, c'était comme si j'avais un flash, mais dans mon songe où tout s'est passé comme ça avec le monsieur qui me parlait. Et puis, c'est comme si je revenais encore lui dire que, monsieur, j'ai besoin de ce chemin. Il me dit, attends, je vais me battre le fer, je vais t'amener dans le chemin. Donc, pour moi, je disais, ah bon, l'homme, si, c'est pas, il connaît le chemin, il va m'amener. Donc, après la vision, là, ça part, je me retrouve maintenant dans une maison. Et là, je me retrouve dans une maison avec un fauteuil. Donc, c'était vraiment un peu neuf, je sais pas, je me trouve juste dans un appartement, je sais pas, on dirait. Et puis, je suis assise et je suis en train de louer Dieu. En fait, je suis tellement contente, je suis tellement. I'm so happy. J'étais tellement contente, mais cette fois-ci, j'étais vraiment contente. J'étais en train de louer Dieu et tout. Et il y avait comme si je me voyais, donc dans le son, c'est comme si je me voyais, j'étais en train de louer Dieu. Et l'homme était en face de moi, mais physiquement, je ne le voyais pas. Mais de l'extérieur, c'est comme si moi je le voyais. Donc, je ne pouvais pas savoir qu'il était en face de moi. Il était en face de moi, il me regardait et il souriait. Moi, j'étais juste en train de louer Dieu. Et puis, j'ai vu un cajou de tomates. Le cajou de tomates dépassait le toit de la maison. Et là, dans le son, c'était les provisions que le Seigneur. En fait, là, c'était l'interprétation qui a surgi même dans le rêve parce que je ne comprenais pas. C'était les provisions que le Seigneur avait pourvues. Donc, il avait pourvu pour moi au-delà de mon entendement, au-delà. Donc, j'étais tellement reconnaissant et j'étais en train de louer Dieu. Et puis, le songe s'est terminé. Voilà. Explication. La sœur Kelly, je ne peux pas t'écouter. Amen, je dis amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen. Amen. Thank you. la France dans la sainteté. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Le frère Willy Landreau, bonjour et bon bienvenue. Bonjour frère Junior, bonjour à tous. Édition spéciale. Moi, se trouve la sœur. Oui, je peux justement. Merci de l'introduire. La sœur Albertine Abogo se trouve avec Willy Landreau. Bonjour ma sœur Albertine. Bonjour, que Dieu te bénisse pour toutes ces missions de pèlerinage que tu fais auprès des frères pour renouer le contact et puis que l'amour, les murs des barrières anti-amour soient brisés. Amen, merci beaucoup. Mais si tu finis de visiter les gens comme ça, tu ne me visites pas ici au Cameroun et tu ne viens pas aussi chez moi, c'est que je vais me plaindre auprès du Seigneur. Je vais venir faire J'espère que Dieu nous comble de grâce. Amen. J'espère que vous passez de bons moments ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à toute la famille Landreau. Bonjour. J'espère que vous passez de bons moments. Que Dieu vous bénisse vraiment. Visitez-vous les uns les autres comme ça là et franchement que ces murs cette barrière là qui marchait contre les chrétiens soit brisée. D'accord, frère. Amen. Voilà. La sœur Ophélie, bonjour. J'espère que son micro est ouvert. La sœur Ophélie, tu m'entends? Le frère Benjénit, bonjour. On ne te voit pas, je ne te vois pas sur l'écran. Shalom, shalom frère, shalom à tout le monde. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen, amen. Du côté j'ai de des problèmes avec ma caméra là, c'est pourquoi... Ça dérange un peu mon net et en fait un peu lent. Oui, mais ta pose en tant que philosophe, c'est toujours aussi joli. Donc tu es là en pleine réflexion. Voilà, vous pouvez voir là, le frère Benjénit, c'est lui là-bas. Tout le monde le voit avec la barbe. Exactement comme de l'autre côté avec le seul baganté de Paris, le frère Yannick. Frère Yannick, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, bonjour, bonjour, shalom. Vous les voyez là, ce ne sont pas les Nazériens, c'est pas une secte des Nazériens, c'est tout simplement un style. Le frère Achille, bonjour et bonjour à ma... Bonjour frère Junior, tout le monde, shalom. Comment vous matin? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Je crois qu'il y a en plus des... Mais je ne comprends pas un truc. La sœur Ophélie, ton micro est ouvert là maintenant, tu ne comprends pas... C'est quoi? Oui, justement, parce que je ne comprends pas. Enfin, mon truc s'affiche en gris, en noir, en fait. Donc, oui. Eh bien, dans ce je cas, n'ai pas accès aux autres. Ce que tu vas faire, donc, c'est que éteins justement ton téléphone, tu réactives et puis tu reviens dans le forum. D'accord, ma soeur? Ah, non, c'est bon. Mais je ne vois pas encore de vidéo. Ne t'inquiète pas, ça va aller, d'accord. Après le noir, les ténèbres ne régneront pas toujours. La sœur Victoire Marceline, bonjour et bienvenue. Bonjour tout frère Junior, bonjour, merci. Comment tu vas aujourd'hui? Ta voix rayonne de joie. Ça va. La sœur Linda de l'île où l'apôtre Paul a chuté, bonjour et bienvenue. Bonjour, frère Junior. Beaucoup de bonjour. Courage, d'accord. Tu as fini de donner ton songe en donnant les interprétations à l'intérieur. Après, tu finis de donner l'interprétation alors que tu as déjà donné les interprétations dedans. Le frère Pierre Moua, bonjour. Bonjour, frère. Shalom. Oui. Vous me voyez sur bonjour. Le cas. Moi, je ne vous vois pas de toute façon. La soeur... Moi je suis au travail, je peux pas mettre un micro. Je vous écoute seulement. Ok, que le Seigneur te bénisse. Dès fermer ton micro comme ça, les aléas des bruits de ton travail ne puissent pas nous affecter. La soeur Esther Diane, bonjour et bienvenue. Bonjour. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, vous voyez, c'est les casseroles là-bas. Directement, ferme le micro, on a compris le bonjour. La sœur Kelly Yankolo, bonjour, la bienheureuse. Bonjour, shalom, shalom. Pas la bienheureuse en comparaison à Marie de Nazareth, d'accord ma sœur? La bienheureuse. Amen. Joseph Kamagate, bonjour et bienvenue. Bon, peut-être le frère Joseph également, lui il a fermé son micro. La sœur Ketia Makumika, bonjour. Bonjour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse particulièrement, d'accord? Amen. Mais ça, c'est, tu viens d'un long chemin. Regarde, en regardant ton parcours hier, c'est là 6 mois, tu vois vraiment que le Seigneur a œuvré dans ta vie, n'est-ce pas? Oui, oui. Six mois. Regrâche au Seigneur. Oui, 6 mois. Parce qu'il y a cela 6 mois, tu essayais de fuir le Seigneur, n'est-ce pas? Dans ton coin, tu étais dans ton coin avec. Tu avais trop peur de lui, quoi. C'était, qu'est-ce qui s'était passé même au juste? Comment? J'ai pas bien compris. Eric, tu fuyais le Seigneur. Qu'est-ce que tu avais peur de ne pas y arriver? C'est comme si tu avançais et tu dis, tu sais effectivement qui est Dieu, mais il faut pas faire l'erreur. Mais maintenant, il t'a attrapé, n'est-ce pas, ma soeur? Oui, oui. Non, en fait, j'avais peur que de ne pas, comment dire, de pas être son enfant. Je doutais, je me disais, est-ce que je suis vraiment son enfant? Est-ce que je sais pas? Bon, maintenant, c'était ça, tous ces questionnements. Maintenant, maintenant, tu sais que tu es son enfant ou pas? Oui, oui, j'ai eu la confirmation. Je sais maintenant, j'ai la certitude, il n'y a plus aucun doute. C'est très bien de savoir que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant est notre Père, n'est-ce pas? Oui. Ça fait qu'on prend de l'envol sur tout événement, sur toute persécution qui puisse se passer sur la terre. Cette assurance-là, d'accord? Oui. La sœur Nafissa, bonjour. Bonjour, frère. Shalom à tous. Les autres tous ne répondent pas, ils te regardent seulement. J'ai dit, bonjour, ma sœur. Voilà. Shalom. C'est la dernière fois que nous parlions et je te parlais d'une statuette ambulante qui bouge. Et le jour-là, la connexion dérangeait. Tu m'écoutais, hein? Oui, frère, je t'écoutais. J'espère que la connexion est bonne. J'espère que le Seigneur permettra que nous parlons. La sœur Paul, j'ai tout le temps pour moi de faire le tour de la table. Enfin, la table, on parle de table, le tour de l'ordinateur. La sœur Paul, j'ai tout, bonjour. Bonjour mon frère Junior, bonjour. Tu es mon invité tout à l'heure après notre travail, d'accord? On va parler. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Comment va ton mari et les enfants? Ça va bien aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Ils étaient malades, mon mari est hospitalisé. Et par la grâce du Seigneur, ça va. Et mon fils aussi qui était malade, ça va aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Donc tu as goûté une portion de persécution des Job, quoi? Voilà, exactement, frère. Que le Seigneur te bénisse. Tout, souvenez-vous, les persécutions. Mais le Seigneur était victorieux. Amen, justement, c'est cela. Les persécutions ne sont pas pour destin de nous tuer, mais nous fortifier en lui. Ce sont les différents sujets de matière que notre conducteur, le Seigneur, utilise en employant l'enseignant qui nous enseigne, Satan, pour pouvoir se glorifier. Le frère Saria Dila Olivier du côté de la Chine, bonjour et bienvenue. Bonjour bien-aimé Junior. Comment bonjour va... tous les bien-aimés. Comment va Madame Olivier? Bonjour. Bonjour. Wow, je t'attends aujourd'hui, mais je ne vois pas votre. Je ne vous vois pas sur mon écran. Ok, mais là je sais que c'est la connexion. Oui. Peut-être le câble ne veut pas accéder, on ne sait pas. Est-ce que le câble, tu as utilisé le câble original ou c'est oui, le câble des Chinois que tu as acheté? Comme tu es en Chine là-bas, c'est accessible facilement. C'est un câble original. La sœur Hélène, bonjour. La sœur bonjour, Hélène. Mon frère. Comment bonjour, tu vas? Bonjour, frère. Comment tu vas? Ah, le frère Yannick, donc après la sœur Paul, j'ai tout, je vais te prendre avant de travailler aussi. Avant de travailler avec l'Allemand, et puis je vais travailler avec la famille Willy également. Après cela, on va causer. Donc, la sœur Paul Gertrude, le frère Yannick, le frère Willy. Celle qui s'appelle naturellement la France, et nous sommes dans la France, dans la sainteté, Marie-France Sophie du 97 boulevard Davout. Bonjour et bienvenue. Je crois que son micro dérange. Bonjour frère Junior, bonjour à tous. Voilà, la sœur Marie-France, avec la voix de Nutriante également qui fait son entrée aujourd'hui. Comment tu vas ma sœur? Par la grâce du Seigneur, très très bien. Quand tu dis bonjour à tous, personne ne te répond. C'est pas grave. Oui, mais dis-leur que tu les aimes toujours, d'accord ma sœur? Bonjour, les micros sont coupés. Oh, les micros sont coupés, oui. Mais le problème, bonjour, c'est que... ma soeur. Voilà, quand les micros sont coupés, quand même si vous balancez la même personne, ne vous voit de toute façon. Alors, la soeur Ophélie, on te voit en grandeur nature là-bas, comme si tu étais dans les nuages, des délices comme ça là. Bonjour alors. Bonjour, Je suis en train de couper le gombo. Ça, c'est pour une présentation des nuages des délices, une astuce beauté ou quoi? Ou une astuce maison pour les femmes enceintes. C'est ça. On peut appliquer sur le visage. Oui. Pour adoucir la peau. Oui. Voilà. Et... pour les hommes qui ont des problèmes de bouton. Des barbes, des au barbes. Au niveau de la barbe. Voilà. Mmh. Ils sont deux ce soir. C'est ce matin. Y a-t-il quelque chose pour empêcher les barbes de pousser beaucoup là? Si l'huile de... comment on appelle? De jojoba ou bien l'huile de baobab? Non, c'est pas l'huile de jojoba, c'est une huile de, d'un fruit là. Oui. Si je me rappelle, je vais te dire souché. Oui, l'huile de souché. Vous voyez que chacun est versé dans son domaine. Non? Quand elle se sent, quand vous la voyez sur une nuage de deux, ah, elle se sent. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Avec... mmh, que le Seigneur te bénisse. Comment va ton mari? Mais je vais bien. Mmh. Et le, mon mari aussi, il va bien. Mmh. Et le deuil, c'est le bébé bien. Aussi. Comment s'est passé le deuil? Ah, c'est vraiment long. Hein. C'était vraiment long. C'était vraiment éprouvant. Entre les comment on appelle, les rituels souvent qu'ils font. Parce que comme ma mère, elle n'avait pas pris la dot et tout, il demande à ce qu'il y ait des pagnes qui soient dans le... qu'on mette dans le cercueil. Ils ont fait leur truc et tout, mais le jour-là, moi, je suis sortie, ils ont commencé à faire leur rituel. Je ne suis pas rentrée, je ne suis pas partie à l'église catholique, parce que bah, ils font l'exposition du corps à l'église catholique et tout. Moi, je ne suis pas allée là-bas. Heureusement, d'ailleurs, que ma grossesse m'a sauvée. Oui, tu dis que tu as essayé de faire comme ça. Ah, l'enfant veut que je... Voilà. Vous, les femmes enceintes, vous êtes trop fortes. Vous savez, quand la femme est enceinte, comme on épouse souvent enceinte comme ça, vous connaissez le sanglier. L'enfant veut le poisson brisé. Comme si l'enfant dans le ventre connaît déjà le poisson brisé. Les femmes nous connaissent, nous manipulent. Nous... Oui, ma soeur parle. Ils ont fait aussi plein d'autres rituels et tout après le deuil. Ah, moi, j'étais pas là-bas. Hein. Moi, je les ai laissés faire leur truc. Et en plus, ce qui me faisait rire à chaque fois, c'est quand ils disaient oui. Dans tous les cas, votre mère va vous protéger de là-haut et tout. Il y a une cousine qui me disait ça, que oui, que de toute façon, notre mère va te protéger. Moi, je l'ai arrêté net. Je lui ai dit, écoute, une personne qui est décédée, plus personne. Personne ne protège quelqu'un sur la terre, un vivant, à part le Seigneur Jésus-Christ et Dieu lui-même. Donc, il faut arrêter vos trucs. Eux, ils sont tellement persuadés dans leur tête que c'est le mort, en fait, qui te protège et tout ça. Alors que j'ai dit non, ce n'est pas le mort qui me protège, parce que le mort, bah, il est déjà mort, il est déjà enterré, il a sa suite et tout. Donc, voilà, mais je rends grâce à Dieu de m'avoir donné la force de supporter toute cette épreuve et tout. Le Seigneur s'est bien, très bien occupé de moi. J'ai fait énormément de choses que je ne devais même pas faire lors de ma grossesse, c'est-à-dire supporter des choses lourdes, parce qu'il fallait faire le ménage dans la chambre de ma mère, rester debout pendant des heures et des heures Il n'y avait personne parmi ta famille pour dire que ma soeur, tu es enceinte, il faut t'asseoir, laisse nous faire. Oh, papa, ça c'est encore une autre affaire. Ça c'est une interjection camerounaise, ça, la soeur Ophélie. Oh, colo. Ça c'est la manière camerounaise. On dirait que ton mari t'a colonisé là, du vrai. Il m'a déjà, vous m'avez déjà colonisé, non? Voilà, bienvenue. Je vais faire comment alors? Bienvenue. Alors, en tout cas, nous étions ici dans la prière pour toi, d'accord? Mon épouse et moi, on a prié pour toi. D'accord? En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai accompli ma mission en griffe. Le reste, le Seigneur s'est bien occupé de moi, du début jusqu'à la fin. C'est le plus important, en fait. Je n'ai pas eu de problème, l'enfant aussi va bien. Quand j'ai fait les échographies et tout, parce que j'avais un peu peur, puisque j'ai soulevé vraiment pas mal de choses lourdes. Oui. Mais grâce à Dieu, tout va bien et tout se poursuit très bien. Amen, amen. Du côté de Viry, Châtillon, à Bougainville, bonjour et bienvenue au couple Ngabo. Est-ce qu'il est caché aujourd'hui en Christ, au point où je ne le vois même pas sur mon écran? Toujours, frère, toujours caché en Christ. Il faut demeurer caché en lui, d'accord? Il faut rester là-bas. Oui, parce qu'il a dit justement que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Puisse cette lumière-là, lui, dans ta maison et transcender dans ta génération suivante. Amen. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. J'ai salué tous les presque 17-18 personnes qui sont connectées maintenant. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on peut commencer aujourd'hui. On peut commencer. Je crois que la connexion est un peu instable et qu'il y a certaines personnes qui se connectent et se déconnectent là. Qui est là? Voilà, il faut qu'on commence quand tout le monde est là. Alors, des questions. La sœur Linda de Chypre, des questions. La sœur Laetitia Kemeni, bonjour et bienvenue. Bonjour, shalom tout donc, le monde. Toi, à toi, je n'ai pas dit bonjour depuis. Tout le monde ne répond jamais ici là, donc mais sois sûr qu'ils t'aiment dans ton cœur, dans leur cœur. Bonjour. Ah, c'est le Bagaté de Paris, ça. Comment tu vas? Comment va la famille? Comment va la maison? La sœur Laetitia? Oui, ça va bien. Ça va beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Après la petite épreuve que tu as eue, ça s'est calmé, n'est-ce pas? Oui, ça s'est calmé. J'espère que ça s'est vraiment calmé en tout cas. Donc tu considères que la tempête ne viendra plus? Quand Jésus a dit silence, c'est silence, n'est-ce pas? Amen. Le matin 1 et le matin 2 sont différents. Quand tu le matin 1, la prochaine épreuve dans la suite, des deux choses l'une, soit vous continuez à fréquenter et affronter les épreuves, soit vous restez dans la même classe redoublée, et auquel cas on va vous renvoyer parce que l'âge aura traversé. Donc, comme on avait le Seigneur, on va de progrès en progrès. Plus il y a de progrès, plus il y a aussi la progression et dans le sens des épreuves aussi. Mais nous comptons sur lui pour tenir ferme à tout moment, n'est-ce pas, ma soeur? Amen. Merci, frère. Madame Willy Landreau, bonjour. Madame Willy Landreau, bonjour. Bonjour, président. Tu es content? Bonjour à tous. Tu es content? Elle est au milieu de maman Albertine et son mari. Je dis bonjour. Elle, bonjour. Elle laisse la soeur Albertine tomber plutôt sur son mari. Tu ne peux pas choisir meilleure position. Voilà. Comment tu vas, ma soeur? Ça va, par la grâce de Dieu. Tu es d'accord qu'on travaille aujourd'hui? On travaille dans les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Je suis à votre service. Amen. Comment vont les enfants? Bon. Les enfants ne décassent pas les pieds, n'est-ce pas? Et la tête. C'est leur rôle, nous casser les pieds, nous casser la tête. Vous savez, avec les enfants également, Dieu utilise les enfants pour essayer de nous contenir dans notre moment de colère et autres là-bas, garder notre focus, comment qu'on sache se maîtriser. Madame Achille en sait quelque chose. Elle, Madame Achille. J'ai compris, mon frère, c'est vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on peut travailler, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes d'accord qu'on travaille aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. La sœur Kelly, comment tu vas? Je vais très, très, très, très, très, très bien. Ça se comprend même dans ta voix aujourd'hui. Oui, juste, enfin, je voulais faire annoncer, informer mes bien-aimés. Voilà, de ce que le Seigneur a fait pour moi. En fait, je profite, voilà, pour ce moment. En fait, voilà, les bien-aimés, le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a exaucé. Il l'a emmené vers moi, mon mari. Donc, je veux me marier. Enfin, c'est un langage qu'on utilise, mais tu sais que dans le Seigneur, je suis déjà mariée. Amen. Voilà. Alors, dis donc. Félicitations, frère. Merci beaucoup, merci. Tu dis frère ou c'est moi, j'étais à Marie. Tu dis à qui? Beaucoup de bonheur. Amen, merci. Merci beaucoup. Donc, voilà, c'est. Vraiment, c'est merveilleux comme le Seigneur fait les choses. Il nous trouve toujours. Donc voilà, c'est merveilleux quoi. Donc tellement tu es débordé d'amour au point que tu ne sais plus comment parler quoi, ma soeur. Voilà, c'est waouh. Amen. Donc de fait, ça veut dire que sur ce plan, tu es en train d'inviter comme peut-être tes frères et tes soeurs à se réjouir avec toi ou mieux même à venir à la cérémonie quoi. Voilà, exactement, mes bien-aimés, vraiment, voilà. Je vous invite à vous réjouir avec moi. Je sais que c'était une préoccupation pour d'autres bien-aimés qui me soutenaient sur ce plan-là. Le Seigneur nous a exaucés. ceux qui seront disposés de venir avec moi au Cameroun, en Côte d'Ivoire, parce que mon bien-aimé est de la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Ou bien peut-être tu vas venir faire la lune de miel ici en Côte Cameroun alors. C'est ce que j'aime chez les Camerounais. Oui. Non, c'est un Ivoirien. Oh, vous savez, les Africains de l'Ouest, là, on aime bien la diversité. Voilà. On n'aime pas trop rester entre nous, quoi. Voilà, c'est ça. C'est bien. Il a fait le bon choix. Voilà. Non, oui, le Seigneur a fait le bon choix pour moi. Il est parfait pour moi. Donc, voilà. Donc, si vous êtes disponible, disposé, voilà. C'est au mois de juillet, début juillet. La cérémonie aura lieu là-bas. Eh bien, je crois que... Voilà. Ceux qui ne pourront pas, une fois... De toute façon, je crois que sur le forum, vous allez avoir à écrire pour que chacun puisse avoir sa inbox pour ceux qui ne sont pas connectés, pour qu'ils puissent voir le message par la suite en donnant les détails. D'accord, ma chère sœur? D'accord. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que le Seigneur soit avec vous. D'accord, ma sœur? Amen. Allez, on commence dimanche. Oui, Seigneur, j'ai une question. Ah, c'est grave. Même pas de transition, le frère là. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Jésus, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens. Jésus, viens. Nous t'accueillons. Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons. Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Madame Julie Gabo. Bonjour. Bonjour, frère. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Amen. Amen. Alors, je suis à votre service. Alors. Jésus. Personne ne parle plus maintenant. Ok, frère Junior, j'ai des questions. Voilà. Je peux y aller, frère. Je suis à ton service, mon cher frère. Comme M. Ngabo n'a pas travaillé aujourd'hui, donc c'est fort aujourd'hui. C'est fort aujourd'hui sur le forum. Bon, ma première question est dans Ésaïe 3, au verset 14. Oui. Je crois que là, il est écrit, l'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec les chefs. Oui. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que veut dire justement l'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Est-ce le jugement dernier? Est-ce que c'est lié à Daniel 10, Daniel 7, verset 10? Que non. Dans ce contexte-là, justement, il est question du peuple qui s'est corrompu. Et si tu lis le contexte depuis le chapitre 2, depuis le chapitre 2, il est question des chefs qui sont corrompus. Les gens n'obéissent pas à la loi. Les prophètes et les sacrificateurs prennent des primes pour pouvoir détruire les veuves et ainsi de suite. Et Dieu donc entre en contestation, c'est-à-dire que Dieu a des choses à leur reprocher. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre lorsqu'il parlait aux Juifs, si vous lisez le Jean chapitre 7, chapitre 8, vous allez voir comment il a dit que j'ai beaucoup de choses à juger de vous. Or, Jésus dit, il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et alors là, il dit encore, j'ai beaucoup de choses à juger en vous, mais le Père ne juge personne. Donc vous voyez, d'une part, il dit que j'ai beaucoup de choses à juger en vous. Ça veut dire que s'il entre en contestation avec ce peuple-ci, il a des choses à redire. Dieu est en train de contester leur façon d'agir de façon spontanée, de façon ponctuelle avec la parole, parce qu'il laisse la parole pour faire autre chose. C'est donc pour cela que dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 3, il va dire maintenant que ce sont des femmes qui dominent sur eux et ceux qui le gouvernent sont comme des enfants. Donc il en est de fustiger le chef, leur comportement vis-à-vis par rapport à la loi, parce que les orphelins étaient négligés, il y avait de l'injustice, comme nous voyons aujourd'hui. Le plus riche allait comme Daniel, celui qui est pauvre et qui avait raison, parce qu'il pouvait acheter la justice. Donc c'est ça dont il est question. Ce n'est pas question de jugement dernier là-bas, comme mon frère. Oui, je te suis parfaitement, frère. Oui. Ok, ma deuxième question. Deuxième question. Oui, justement, c'est Ésaïe chapitre 6. Ésaïe au chapitre 6, oui. Ésaïe au chapitre 6, justement. C'est que, en fait, je ne sais pas si c'est. En fait, j'ai juste une question comme ça. Hein. Pourquoi est-ce que. Je crois que c'est à partir du verset 6 et le verset 7. Oui. Je crois que là, le verset 6 dit: mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Oui. Il en toucha ma bouche, dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Oui. Donc ma question essaie de savoir pourquoi est-ce que le séraphin a eu à toucher sa bouche avec la pierre ardente, pierre que lui n'a pas pu toucher, mais qu'il a pris avec des pincettes, justement. Pourquoi? Oui. Et il était en présence du Seigneur. Le Seigneur aurait pu juste parler et puis le péché s'en va. Bon, comme il a dit à Abraham que va, va. Comme il a dit à Samuel, telle ou telle chose. Mais là-bas, c'est une autre façon. Dieu, là, ça montre effectivement que Ésaïe, et comme Ésaïe a dit dans ses confessions, Ésaïe a dit qu'il habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Donc ça veut dire que c'est. Vous voyez, tout à l'heure au chapitre 3, c'était le problème d'injustice au milieu du peuple et la loi qui était désorganisée. Au chapitre 6, on voit effectivement la corruption, le fait, parce qu'il était en clair de la mort du roi Ozias, il était en clair au milieu d'un peuple, le mensonge avait cours. Et donc Dieu parle maintenant au prophète qu'il faut que tes lèvres soient sanctifiées pour que tu puisses dire la vérité. Imaginez quelqu'un qui vivait dans le mensonge avec les gens autour de lui, que tout le monde était menteur, qu'il va falloir maintenant venir dire le contre de tout ce qui se passe. Alors, ça montre clairement qu'à chaque prophète, de façon spécifique, un appel spécifique. Maintenant, la question c'est, où se trouve Ésaïe dans cette dimension-ci, avec ses pincettes-ci, sur l'autel? L'autel là se trouve où? Personne ne me répond ici. L'hôtel en ce moment-là, c'est Ésaïe. Non, j'ai dit le lieu, géographiquement parlant, le lieu où se trouve l'hôtel. Dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 6, il dit l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur sur un tronc élevé et le pan de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins, quoi, commençaient à s'enclencher. Oh, Saint, Saint, et l'Éternel, toute la terre remplie de sa gloire. Il dit que toutes les fondations a été secouées. Alors, la question que je pose, c'est cet événement, ça se passe aussi sur la terre ou dans une autre dimension? Ça glissait en fait. Vous m'entendez maintenant clairement? C'est bon là? Oui, là ça va. Oui, frère, on t'entend. J'ai demandé dans quelle dimension se trouve la vision d'Ésaïe. Quand il voit le séraphin avec le Seigneur assis sur le trône là, c'est où? C'est sur la terre qu'il voit la chose? Dans le temple où il se trouvait ou quoi? C'est dans le temple? Dans les cieux. Voilà, dans les cieux. Donc vous voyez effectivement que c'est vrai qu'il y a, quand vous dites pardon ici, il y a des façons d'expier le péché, n'est-ce pas? Comme par exemple, quand vous faites des prières ici, savez-vous que dans le ciel, c'est représenté par des coupes et des parfums? Oui. Donc, lorsqu'on dit qu'on apporte le parfum, quoi, la prière, on amène ta prière devant le Seigneur. Un peu comme vous allez dans une secrétariat ici pour voir un directeur, les parfums sont pris par le secrétaire pour amener au directeur pour qu'il consulte ce qu'il en est. Au ciel, ce n'est pas des parfums, des sujets de prière que vous écrivez. Quand vous écrivez votre sujet de prière, même sur les feuilles, ça se transforme en parfum. C'est ce parfum-là qu'on verse dans la coupe du Seigneur. Vous y êtes. C'est ce que Zacharie faisait. Si vous lisez le livre de Zacharie au chapitre 1, à partir du verset 5, la Bible déclare à l'heure du parfum. Il était à l'autel du parfum. Il verse la prière. Donc toute la prière qu'on fait d'ailleurs est représentée par le parfum qu'on verse devant le Seigneur. C'est ce culte-là qui se passe en haut au ciel. Ça ne se passe pas comme dans notre façon diabolique, ce qu'on a installé les choses. Là, on prend les choses pour lire. Là. Non. Alors donc, ça veut dire que l'ange prend. Un brasier comme ça qui était encore ardent. Maintenant, vous voyez effectivement que ça ne peut pas se trouver. Ce n'est pas le style de feu de cette dimension-ci. C'est un style de feu qui peut brûler sans consumer. qui peut faire du mal au péché sans faire du mal sur le corps de la personne pour qui on veut expier. Selon pour ça, vous allez voir certaines personnes, quand le Saint-Esprit parcourt leur corps, ça fait comme de l'électricité. Ça fait comme de l'électricité. Ça vous secoue, brrr, mais ça ne fait pas le même effet parce que quand l'électricité vous frappe, ça rétit, ça vous suce de vos substances. Mais ceci suce plutôt la substance qui n'est pas bonne dans votre être, dans l'homme intérieur. Donc voilà la différence. On dit que l'électricité peut vous frapper, l'électricité de Dieu peut vous frapper sans vous faire du mal. Et, par contre, cette même électricité-là, quand ça frappe sur quelqu'un qui vient vous faire du mal, ça lui fait du mal. J'espère que monsieur fait comprendre. Amen. Bon, Amen. Des questions? Amen. Frère, j'ai pas terminé. Est-ce que justement, c'est dans la même lancée qu'il dit avant? C'est-à-dire, verset 5, il ne parle pas d'hommes pécheurs ou bien de peuple pécheur, mais plutôt des lèvres impures. C'est pour cela que j'ai dit effectivement qu'en ce moment-là, le mensonge qui a pris cours. Quand vous aurez lu le livre d'Ésaïe, vous allez voir cela. Il y a des périodes où ce sont les chefs qui sont coupables. Le période où c'est de l'injustice en milieu du peuple. Le période où ce sont les orphelins, les veuves qui sont maltraités. Ici particulièrement, c'était du mensonge clairement. Tout le monde mentait. Tous mentaient. Vous voyez cela? Et donc là, maintenant, ça veut dire que l'expiation, c'était par rapport à ça spécifiquement. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que les lèvres des yeux soient purifiées pour pouvoir dire la vérité. Donc, tout ce qui devait sortir là, maintenant, ce sera la vérité. Parce que au mensonge, est prêché contre le mensonge, c'est la vérité qu'il faut apporter comme remède, comme antidote. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je suis frère. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hey, Junior. Oui. J'aurais une question. Dans Romains 9, en fait, quand on parle de la promesse, Israël est la promesse de Dieu. Oui. Oui. Paul, en fait, dit que les Israélites, en fait, ne seront pas mis à l'écart et tout. Mais en fait, ce que je veux savoir, c'est que est-ce que certains arriveront à la repentance avant l'enlèvement ou ce sera après l'enlèvement? Repose ta question pour que tout le monde écoute. Dans Romains 9 à 11, oui. On parle du fait que une partie des Israélites était tombée dans l'endurcissement. Dans Luc des... Et que certains vont dans Romains. C'est Romains chapitre 11, le verset 25. Oui, voilà, oui. C'est ça. Une partie est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ah, voilà. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est que Paul nous dit que ce n'est pas tous les Israélites qui vont périr, en fait. Une partie, Dieu a réservé, en fait, une partie qui vont venir à la repentance. Oui. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est que ils viendront à la repentance après l'enlèvement ou avant l'enlèvement? Bonne question. Alors, il y a des événements que Dieu a fixés dans les Saintes Écritures. Il y a la repentance nationale de la nation juive qui est prévue dans les Saintes Écritures parce qu'il les sauve en tant que nation. Il y a la repentance nationale qui est prévue dans les Saintes Écritures, telle que la Bible dit dans le livre de Zacharie. Si vous lisez Zacharie au chapitre 13, vous allez voir cela, avec cet esprit de supplication qui va verser sur la maison de David, et ils vont se regrouper en famille pour pouvoir pleurer sur le premier-né, pleurer sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alors, la chose c'est ceci, c'est que malgré qu'il y a une repentance nationale prévue dans le plan de Dieu, Dieu les sauve de façon individuelle. Il y a des gens qui sont ajoutés comme ça parmi les païens. Parce que lorsque l'apôtre Paul parle, lui, il est juif. Entre temps, il prêche aux juifs. Nous voyons dans la Bible, dans Actes chapitre 17, par exemple, pour ceux qui étaient à Béré, la Bible déclare que les juifs de Béré avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Par exemple, voilà les juifs qui vont croire. Pourtant, ce n'est pas la nation juive qui a cru. Donc, il y a un plan des dieux après l'enlèvement, que l'église soit enlevée, qui va se tourner vers ses disciples, quoi, vers ses enfants, pour se présenter à eux comme leur messie. C'est ça qu'ils attendent. Donc, c'est une repentance nationale. Mais entre-temps, pendant qu'on y est, ça n'empêche que les juifs, de façon individuelle, croient de la même façon comme chez les païens. Donc, ça va se passer comme ça, ma chère soeur. D'accord? D'accord. Donc, il y a un plan national pour la restauration du peuple juif. Il y en a un plan dans la Bible. Mais en attendant, depuis le moment du départ du Seigneur jusqu'à maintenant, on prêche la parole là-bas. Il y a des juifs qui se convertissent au Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne sont pas contenus dans le plan de rédemption nationale du peuple juif. Donc ça veut dire qu'après l'enlèvement, il y aura encore certains qui vont croire à Jésus-Christ, c'est ça, mais certains juifs. Le ministère sera uniquement destiné pour eux. Oh. Ah bon? Romains, non, uniquement destiné à eux. Uniquement. Romains chapitre 11, allons-y. C'est là où ça se trouve justement. Romains chapitre 11. Oui, c'est là où nous existons. Bon. Regardez. Si vous êtes dans Romains chapitre 11, on va aller au chapitre 10, on va commencer à partir de là. On va commencer à partir de Romains chapitre 10, verset 17, avant de tomber au Romains chapitre 11. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, écoutez. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, s'il vous plaît, si vous entendez pas la foi, si vous m'entendez, écrivez les références dans le forum, comme ça, ceux qui n'entendent pas bien puissent regarder. Ainsi, la sœur Victorine Marceline, est-ce qu'elle est là encore? J'espère qu'elle ne nous a pas abandonné pour aller préparer. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais j'ai dit... Romains combien? Romains chapitre 10, à partir du verset 17. On va prendre là, puis on va lire jusqu'à tomber au chapitre 11. Ok. Voilà. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais j'ai dit, écoutez bien maintenant, j'ai dit, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, j'exciterai vos enfants. Papa, oui, ça c'est l'enfant de Victoire, Marceline, comme ça. Ouais. La sœur Victoire, dingue, fermez ton micro. Maintenant, on a dit ta présence maintenant. Mais j'ai dit, verset 19 de Romains 10, mais j'ai dit, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, j'exciterai votre jalousie. Écoutez très attentivement ce plan. Donc, ce que nous sommes en train de lire dans le Nouveau Testament, c'est dit depuis le livre de Deutéronome, chapitre 32. Si vous lisez Deutéronome, chapitre 32, c'est prévu là-bas dans les cantiques qu'ils chantaient eux-mêmes. Il dit, Moïse, le premier, dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Donc, depuis le livre de Deutéronome, quand Moïse était encore sur place, Dieu avait déjà prévu le promis de la rédemption. Vous voyez cela? C'est pour ça que Christ pouvait aller dans les Saintes Écritures, dit tout ce qui le concerne. Comment Dieu va provoquer leur jalousie? Comment il va faire? Il va faire que le salut se tourne chez le peuple païen. Pour qu'ils invoquent le peuple, le Dieu des Juifs, avec leur propre langue. Dieu, oui. Et Dieu va les exaucer au détriment des peuples juifs. Verset 20 dit, et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Les nations ne cherchaient pas Dieu. Par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Vous voyez quelle miséricorde. Vous voyez, en entendant ces choses, nous devons chanter Alléluia chaque fois quand nous dormions. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Et nous voyons le parcours que Dieu a eu avec cela. Maintenant, nous tombons donc au verset au chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Il veut par là dire, si en réalité Dieu a rejeté son peuple, alors forcément, il a aussi rejeté. Mais vous lisez le livre de Jérémie, chapitre 31, Dieu va donner en faisant alliance avec le soleil, en disant que tant que les lois du ciel telles qu'il a donné, le soleil, le jour, la nuit cessent, son amour pour Israël va cesser. Vous voyez, Dieu n'a point rejeté son peuple. Donc, c'est écrit clairement ici que Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Parce qu'Israël a été choisi non à cause des œuvres. C'est l'effet de la grâce là. Quand Dieu a choisi Israël, il a choisi Israël à... Quelqu'un a un micro qui fait du bruit. La sœur Kelly, coupe ton micro, s'il te plaît. Voilà, mais je crois que c'est l'effet encore du mariage qui lui fait comme ça là. Donc la Bible déclare ici au verset 2 que Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc vous voyez effectivement qu'il y a l'effet de grâce déjà par le choix souverain de Dieu. Quand Dieu a choisi Abraham, il dit qu'en toi, je vais sortir une postérité qui sera comme le sable de la terre. Ça ne dépend pas des œuvres. Ça ne dépend pas de ce qu'Abraham a fait. Dieu lui donne seulement le contenu de son plan qu'il va réaliser au travers de lui. Ça veut dire que ceci n'est pas négociable. Ce n'est pas à cause des œuvres qu'Abraham aura fait ou quoi que ce soit. Il dit, il va sortir une postérité. À son fils après lui, à Isaac, il va redire la même chose, réitérer cette postérité-là, quoi, cette promesse-là, en disant qu'en toi, en Isaac, sera cette postérité. Quand Jacob va sortir, si vous lisez le livre de Deutéronome, chapitre 32, Deutéronome, chapitre 1, 31, verset 3 et verset 13, où Dieu va lui demander de rentrer dans la maison de son père, dans sa maison de naissance. Au chapitre 32, il va prier en disant que tu m'as dit que tu vas sortir de moi une postérité. Donc, il a réitéré cette postérité-là au travers de Jacob. Il va manifester Israël donc. Or, cet Israël qui est manifesté n'est pas fait à cause des œuvres. Si c'était à cause des œuvres, Dieu devait les briser. C'est pour ça qu'il pouvait pécher n'importe comment. Dieu, à cause de son amour, ne les rejette pas. Ce principe doit être compris pour comprendre effectivement que Dieu ne peut pas rejeter Israël. Alors, quand vous comprenez cela, il y a donc dans la Bible le mystère de la chute d'Israël. Le mystère de la chute d'Israël, parce que la promesse de Dieu ne peut pas être rendue vaine, même par la loi qui est souvenue 430 ans plus tard, après cette promesse. Donc, si la loi de Dieu n'a pas pu annuler l'amour de Dieu pour Israël et la promesse, ce n'est pas le péché d'Israël qui puisse annuler leur amour pour lui. Alors, il dit ici, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Regardez, vous voyez ces mots aussi, connu d'avance. Donc, on choisit Israël sans sa présence. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie? L'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Alors, il prend le cri d'Élie pour dire à ceux qui sont en train de vouloir crier que, souvenez-vous d'Élie, quand vous pensez que tout va mal, Dieu a son plan à lui. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Dieu dit que cela est réservé. Or, Élie croyait effectivement que tout le peuple était perverti. Donc, qu'est-ce qu'il veut par là dire en toile de fond? Il veut par là dire, même si vous voyez les peuples juifs comme étant pervertis, au milieu de ce troupe des gens que Dieu préserve. Vous voyez? Maintenant, il dit verset 5, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Vous avez vu ça, frère? De la même façon, quand par exemple vous lisez le livre d'Apocalypse au chapitre 7 et chapitre 11, enfin, chapitre 14, vous voyez ce groupe de 144 000 personnes que Dieu dit clairement qu'ils n'ont pas connu de femmes, ils n'ont jamais eu de mensonges. Vous dites, comment quelqu'un va vivre, grandir jusqu'à cet âge-là sans connaître le mensonge? Nous sommes habitués au mensonge, c'est pour ça qu'on voit ça difficile de pouvoir mentir. Eux, ils ne vont pas mentir. Ces genre de personnes, ils auront la barbe bizarre. Tu essaies de regarder comme ça, que tu vas te marier comme quelqu'un, tu gifles comme ça, tu vas voir. Verset 4 dit, mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi de genoux devant Baal. Puis il dit verset 5, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, il dit, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Non, ce n'est pas par les commandements qu'Israël va faire, que Dieu puisse donner la repentance nationale. Dans Zacharie chapitre 13, comme je l'ai cité tout à l'heure, il dit qu'il va déverser l'esprit de grâce. Ils vont tourner le regard vers lui. Parce qu'il faut que le voile soit ôté pour que les cœurs se convertissent à Christ. Or, ce voile est ôté, c'est Dieu lui-même qui l'a voilé. Il a décidé de voiler son esprit dans une chair pour entrer dans ce qu'il a appelé temple. C'est donc pour cela qu'ils n'ont pas vu. Parce qu'ils le cherchaient selon le modèle de la loi, pas par la foi. Et ils ont trouvé ce qu'on appelle la pierre d'achoppement. Donc Dieu était enveloppé derrière la pierre d'achoppement pour se présenter à Israël. Pourquoi? Pour qu'ils achoppent sur cette pierre afin qu'ils se tournent vers nous par la grâce. Amen. Maintenant, verset 6 dit, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus œuvre. Donc, ça veut dire que l'œuvre a son rôle pour correspondre aux bénéfices des œuvres, mais la grâce a sa source et a sa norme. C'est la grâce, source de grâce vient de Dieu par rapport à ses œuvres de la grâce. Maintenant, quoi donc? C'est qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Ça veut dire que si Dieu dépendait d'Israël pour demander par les œuvres, Israël comptait sur les œuvres pour être sauvé. Il ne peut pas obtenir comme ça. Mais à cause de l'élection, le fait que Dieu les a aimés et les a choisis d'avance, c'est à cause de cela qu'ils sont aimés. Ah mon Dieu. Verset 7 encore. Quoi donc? C'est qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu tandis que les autres ont été endurcis. Vous avez vu cela? Tandis que les autres ont été endurcis. Souvenez-vous, il n'est pas dit dans les Saintes Écritures que les autres se sont endurcis. On dit les autres ont été endurcis. Donc l'endurcissement a été venu de l'extérieur de quelqu'un pour les endurcir. Ils ne se sont pas endurcis eux-mêmes. On dit, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, écoutez bien, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. C'est terrible. Vous voyez effectivement que la conversion n'est pas l'œuvre d'un homme. Si Dieu veut que quelqu'un soit converti, soit sauvé, personne ne peut empêcher. Et si Dieu a décidé à convertir quelqu'un, personne ne peut plus le déconvertir. Donc, ces histoires que vous entendez que les chrétiens se convertissent dans le camp des musulmans, laissez-les aller, c'est là où ils partent. Vous savez, il y avait un musulman qui était venu me voir pendant que nous parlions. Je crois que vous avez vu cela, le débat des musulmans. Il essaie de me dire qu'il y a une femme pasteur là, pendant qu'il prenait son thé, j'étais au devant de lui, calme comme ça. Il m'expliquait qu'il y a une femme pasteur là qui a fermé son église l'autre jour. Et puis, elle est convertie en religion musulmane. Il dit que c'est bien fait. Vous avez très bien fait pour celle-là. Il était surpris à regarder comme ça. Il dit, mais pourquoi? Il dit justement, depuis on le parle, ils étaient dans la résistance, donc c'est mieux qu'elle passe calmer chez vous. Donc, il voulait me présenter cette femme comme étant un trophée de la vie chrétienne. qu'elle a eu à convertir. Mais elle n'est pas dans le corps de Christ. Parce que si elle était dans le corps de Christ, la désobéissance, dit la Bible, est aussi punissable que l'idolâtrie. Donc c'était une idolâtre. La Bible interdit à la femme de prêcher. Elle est allée jusqu'à ouvrir son propre église. Maintenant qu'elle n'a pas encore ouvert encore la mosquée, on voit. Mais la Bible déclare donc, selon qu'il est écrit, là vous voyez qu'elle va se calmer là-bas. Elle va aller voir un mari avec 4 femmes. Et elle sera la 5e. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Donc, leurs oreilles et les yeux, enfin, Moïse, dans le livre de prophétie qu'il avait contenu là-bas pour eux, dans Deutéronome chapitre 29, verset, j'espère qu'il ne va pas vite là. Non, ça va. Ok, c'est bon. Vous êtes habitué à cette voix-là. Donc, même si ça va, ça rappe seulement, vous entendez. Alors, dans Deutéronome chapitre 29, le verset 4, la Bible déclare, faisons-y un détour avant de revenir là maintenant dans ce livre de Romains. Regardez. Deutéronome chapitre 29, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Deutéronome chapitre 29. Le verset, si quelqu'un y a lisé le verset 4, tout simplement. Le verset 4, qu'est-ce que ça dit là? Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne sont pas usés. Non, Deutéronome chapitre 29, le verset 4. Deutéronome 29, verset 4. Non. Ok, c'est que c'est décollé chez vous. Je vous ai conduit. Oui, ok, c'est décalé chez vous. C'est décalé chez vous. Allons-y. À partir de, rentre donc chez toi d'un cran en arrière. Qui lisait? C'est moi qui lisais. Uh-huh. Allons-y, allons. C'est je vous ai conduit, non? Tu es dans quel verset là? Dans ton... Je suis le verset 4. Ok, lis le verset 3 chez toi. Ok, d'accord. Mm. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Amen, c'est ça. Donc ça veut dire c'est décalé chez toi, d'accord? Alors, donc c'est Deutéronome 4 dans la plusieurs versions. C'est quelle version tu as, ma soeur? Louis II. Louis II dérange. Oh, c'est 21-24. Bon, alors de toute façon, Dieu aussi. Moi aussi, c'est verset 3 chez moi. Louis II révisé. Louis II révisé. Qui continue à réviser toujours comme ça là? Ils ont révisé le verset 4 devenu verset 3. Alors, d'après ce que nous sommes en train de lire ici, Moïse avait dit déjà, et vous voyez effectivement comment, depuis, ici nous sommes en train de lire, l'apôtre Paul cite ce que Moïse a dit depuis le livre de Moïse, c'était prouvé la chute d'Israël. C'était prouvé cette chute-là et que les païens sont entrés. Maintenant, ici, Moïse dit que jusqu'à ces jours, regardez bien, c'est au sorti de la vie de Moïse qu'il dit cela. Donc, quand vous lisez ce genre de paroles, vous comprenez qu'en réalité, c'était normal parce que Dieu est esprit, on doit le servir, c'est pas esprit qu'on doit le servir, c'est pas par les œuvres. Or, les juifs étaient tout simplement des archétypes pour pouvoir construire la Bible, pour révéler le caractère de Dieu. C'est là où vous comprenez effectivement ces choses. Parce que Moïse dit clairement ici que jusqu'à ces jours, l'Éternel ne vous a pas donné des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Mais chaque jour, il donne le commandement. Il donne le commandement, donc ils entendent donc comment? Si lui-même ne donne pas les oreilles. Il dit que vois, je me place aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Il dit vois. Et il ne lui donne pas les yeux pour voir. Comment il va faire? Parce que le voir là, ce n'est pas de regarder avec les yeux. Vous voyez cela? Ça veut dire clairement que si Dieu n'ouvre le cœur de quelqu'un, tout ce que tu bavardes là, c'est ta part. Si Dieu n'ouvre pas les oreilles de quelqu'un, tout ce que tu vas faire, il ne peut pas saisir. La sœur Carole Châtelon, bonjour et bienvenue. Bonjour ma frère et soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour. Frère Junior. Oui. Oui, et quand est-ce la parole de ce qu'on entend quand on dit que oui, les âmes périssent dehors? Oui, voilà, on est là, on est focalisé sur nous, sur nos problèmes, pendant que les âmes périssent, et les visions que les personnes ont, parce que le Seigneur pleure, il dit que les gens vont en enfer, personne, les gens qui meurent ne vont pas chez lui. Mais toutes ces visions que les sœurs ou les frères peuvent recevoir, c'est quoi alors? Et quand tu vois ça, qu'est-ce qu'en dit les Écritures donc? Dans les Écritures, c'est ça? Non, justement, parce que comme je sais que c'est le Seigneur qui convertit les cœurs, comment il peut encore nous du fait que voilà, on ne se préoccupe pas des âmes, alors que c'est lui en tout cas, ce n'est pas le Seigneur de la Bible, n'est-ce pas, ma soeur? C'est

tout a bouleversé dans notre vie. On est tombé amoureux de Marie, on a commencé à prier comme il faut, et puis j'ai compris que Jésus n'est pas simplement une tête, mais il a un corps, et s'il a un corps, le cou, c'est Marie. Et puis, on a commencé à entrer dans cette dimension d'amitié avec Marie qui nous a amené à tous les saints, à Thérèse, à tout le monde dans la famille maintenant. Et puis, un an plus tard, on est devenu catholique. Alors, et quand je prie mon rosaire, je prie un rosaire complet tous les jours. J'entre dans cette relation imbriquée de Jésus et Marie. Et dans ce rosaire, je trouve une profondeur de relation avec Jésus, parce que je crois que j'aimais Jésus mal. J'aimais Jésus, mais Jésus sans Marie, c'est pas Jésus, c'est pas complète. On peut pas enlever une partie de la communion des saints et de la famille. Et je crois que c'est Marie qui fait le catalyseur pour comprendre ce que c'est que la famille de Dieu qui est l'Église, voilà. Voilà. Ok. Réaction. Oh là là. Impossible. Vous avez suivi, non? Je vous pose la question. Était-il pasteur? Non. Non, d'après ce qu'il dit, il était pasteur pendant combien d'années? 25 ans. Dans quel milieu? Milieu pentecôtiste. C'est-à-dire que ceux qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ouais. Mais il dit qu'il priait mal parce qu'il priait, il parlait du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais il y a quelque chose qui manque dans ce trio-là. Donc c'est plus le trio, c'est le quatripère maintenant là. Alors, il dit que Jésus c'est le corps et le cou c'est Marie. Oui. C'est comment? Allez, commentez alors. Vous avez les bouches fermées, c'est comment vous êtes dépassé? Ah ouais? Je parle par rapport à la sœur qui a posé la question. J'ai mis ceci par rapport à la sœur qui a posé la question, qu'il y a des gens qui ont des visions pour dire que Jésus a pleuré, Jésus a dit qu'il les empérise en enfer. Faites attention, les Saintes Écritures, il nous a laissé les Saintes Écritures. Quand Jésus est venu, il a pris les Saintes Écritures pour lire, il a lu Ésaïe. Il a dit l'Esprit du Seigneur, on a lu et nous voyons ça dans le livre d'Ésaïe, c'est écrit. Quand il parlait, il a dit, vous sondez les Écritures, croyez avoir analysé, c'est elle qui révèle qui je suis, qui manifeste ma gloire. Quand l'apôtre Paul a parlé, il parle selon les Écritures. Dans 1 Corinthiens 15, il a dit que ce soit eux, les prophètes, les apôtres ou bien moi, c'est ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez reçu. La Bible dit qu'on doit retenir ferme ce qu'on a reçu, autrement on aura cru en vain. Maintenant, on croit plus aux visions, plus aux révélations extérieures, même si ça contient les Écritures. Écoutez ce que quelqu'un qui fut à 51 ans, il était un pasteur pendant 25 ans, écoutez ce qu'il dit vous-même. Maintenant, je vais commenter. Avant qu'on ne continue dans Romains chapitre 12, chapitre 11. Commentez vous-même là maintenant. Qui prend la parole? Justement, c'était pour éclairer la sœur, tu es loin de ton micro. Avance un peu, tu es un peu loin du micro. Je disais, frère, que justement, j'ai posé cette question pour que dans cette langue. La sœur qui est liée, la sœur Ophélie, fermez vos micros, s'il vous plaît. Voilà, parce que ça grisouille. Hein. Donc, je disais, frère, que. La sœur Kelly, coupe ton micro, s'il te plaît. Elle est dans les nuages du mariage. Peut-être qu'elle a des causes entre temps sur WhatsApp avec son mari, vous ne savez pas. Donc, parle fort. Oui, frère, je disais que, justement, j'ai posé cette question parce que c'est des visions qui choquent souvent. Et j'ai posé cette question pour que cet enseignement puisse éclairer les personnes qui n'ont pas encore cette connaissance-là, justement. Parce que quand on dit que le Seigneur pleure, il dit aux gens que les âmes périssent dehors. Pendant ce temps, nous sommes focalisés sur nos problèmes. Que les gens, qui vont beaucoup en enfer, que les gens qui vont en enfer sont en grand nombre par rapport à ceux qui entrent au paradis, n'est-ce pas? Voilà. Mais je vous pose la question. Qui avait dit quand il était sur la terre? C'est pas lui qui avait dit l'âge et la voix qui met la perdition. Beaucoup entrent par là. Exactement. Si on essaie de changer la tendance sur la terre par notre propre force, n'est-ce pas? Sa parole deviendrait fausse. Exactement. Donc, frère, il faut que sa parole soit vérifiée. Donc, beaucoup entreront par là. Continue, ma soeur, continue. Oui, donc, justement, que ces personnes soient éclairées, parce que cette vision-là perturbe certaines personnes qui ne sont pas bien affermies dans la parole de Dieu et qui vont se lever pour commencer à aller dehors, dire, comme ils ont reçu ça, parce que c'est des choses qu'on publie souvent sur les réseaux sociaux, les WhatsApp et tout ça, et maintenant ça fait culpabiliser les chrétiens. Ils se disent que ah, moi je suis assise comme ça alors que les âmes sont en train de périr dehors, voilà, le Seigneur m'en veut. Après, ils ne sont pas au carrefour, un marabout va lui lancer le sort, maintenant il va venir me chercher pour la délivrance. Qui continue toujours comme ça. La grande commission n'est pas pour tous. Quand je prends cet exemple, frère, parce que quand moi je venais de me convertir, il y a une soeur qui me faisait culpabiliser tout le temps parce qu'elle me disait toujours que oui, voilà, les âmes sont en train de périr, allons évangéliser. Moi je disais que mais je viens de me convertir, je connais bien sûr la parole, tu me dis qu'on va évangéliser. Elle me sortait cette parole où le Seigneur a dit que à l'heure même, il mettrait dans ta bouche ce qu'il faut dire. Donc je n'ai pas besoin de connaissances pour aller commencer à prêcher. Et moi, je n'avais pas cette volonté et je culpabilisais parce que déjà, même ma famille, mes enfants, tout ça ne me permettait pas parce que je n'ai pas le temps pour aller faire ça. Mais là, mon cœur, je culpabilisais parce que je me disais que donc, normalement, je dois être dehors en train d'évangéliser aux gens alors que je ne connais rien, quoi, en fait. Et voilà donc comment d'autres personnes sortent. Mais elle, ou alors, elle a évangélisé, elle a sauvé combien de dames alors? Voilà, donc justement, c'est pour qu'on fasse attention à ce genre de vision-là. Remarquez donc maintenant, je pose la question concernant la vision de cet homme, si ça vient de qui? Souvenez-vous, il a dit, il ne dormait pas, ce n'est pas un film, ça s'est passé de façon réelle. Non, pas de questions. Commentez d'abord la vidéo avant de poser la question. Vous avez suivi quelque chose? Je demandais que quand les gens voient les visions là, ils voient vraiment, vraiment. Tu crois que le père de 61, tu crois que le père de 62 ans, il est en train de mentir? Mais vous avez vu, lorsque la sœur Claire Andon est morte, vous avez vu des personnes qui disent on l'a vu en enfer, pas vrai? En disant que qui leur a montré? Pourquoi on dit ça? Entre temps, d'autres disent qu'ils ont vu plutôt au ciel une montrée leur maison, n'est-ce pas? Ouais. Oui. En disant que qui leur a montré? Oui. Donc Dieu a deux clés en nous, l'une en enfer et l'autre au paradis. Vous voyez là où on se trouve là? Donc en fait, en clair, il faut qu'on soit interpellé, qu'il faut qu'on rentre dans les Saintes Écritures. Même si vous voyez n'importe quoi, il faut qu'on se rentre dans les Saintes Écritures. Là, cet homme-ci a vu le Jésus. Comme il a vu Da Vinci Code, il a vu ça. Satan veut le montrer. Oui, mon frère Olivier. Frère Junior, moi, à la lumière des Écritures, et moi, on prend par exemple 1 Timothée 2, verset 5. La Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Donc, pour ça, on ferme la bouche de cet homme par ça, c'est vraiment, on n'a pas à trop, comment on appelle, recevoir. Vraiment, c'est des hérésies, au fait. Voilà. On ne peut pas encore placer Marie. Jésus-Christ n'a jamais fait ça, n'a jamais placé Marie comme vraiment médiaire, ni dans le plan de Dieu. Ça n'a jamais été révélé par des prophètes. Ce n'est pas lui aujourd'hui qui pourra arriver. Donc, il a suivi simplement, il a un intérêt personnel là. Il a un attachement quelque part pour son ventre pour tout. Il dit que là il a délivrance et puis son corps qui était son cœur qui était jadis qui saignait par rapport à ces choses là, son cœur il a eu la paix. Maintenant il prie le rosaire. Mais c'est vrai. Il entre dans la dimension de l'amour de la famille de Dieu. Le diable délivre les gens, ça c'est sûr. Le diable peut user tous les moyens possibles pour te faire croire à quelque chose. Mais la chose la plus importante, c'est que tu dois entrer contre les Saintes Écritures. C'est tout simplement qui fait terrasser le diable. C'est les Saintes Écritures simplement. Alors je vous pose, il n'y a pas d'autre chose. Alors je vous pose la question. Cet homme, c'était pasteur pentecôtiste. Il parlait certainement en langue. L'Esprit de Dieu était-il sur lui? Non, frère. Vous devez vous poser des sérieuses questions. Vous non. devrez vous poser des sérieuses questions. Des sérieuses questions. Frère. Oui. Il y a presque Saint-Esprit, il y a parler langue et parler en langue, tous ces trucs-là. Oui. Il y en a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont faux. Voilà. Au milieu desquelles nous vivons, nous voyons. Il y a des gens qui peuvent rester comme ça, ils sont en train de chanter en parlant en langue. Mais il faut recevoir le discernement pour pouvoir voir ça, pour pouvoir connaître s'il vient de Dieu ou si cela ne vient pas de Dieu. Le pasteur pentecôtiste, si là. Il peut appartenir au pentecôtiste. Le pentecôtiste n'est pas sujet. C'est l'écriture qui. Ce qui joint le peuple de Dieu, c'est nous sommes réunis autour d'un arbre. Cet arbre, c'est quoi? C'est c'est la parole de Dieu. Amen. La question que je vous pose, c'est que cet homme-ci a fait 25 ans de d'œuvre pastorale. Qui l'avait appelé? Mais qui s'est fait appeler? Donc, pendant 25 ans, il a prêché aux gens sans être appelé de Dieu. Ça devrait nous faire poser des questions. Ça devrait nous faire poser des questions. 25 ans, il a perverti combien de vies pendant 25 ans? Imaginez seulement. Et maintenant, il a quitté cette perversion. Maintenant, il est entré dans une autre perversion. Maintenant, il commence à pervertir d'autres personnes. Maintenant, pas son témoignage. N'est-ce pas, frère? Frère. Oui. En clair, frère. En fait, pour moi, ce qui m'a terriblement marqué dans ce qu'il dit, c'est quand il dit Jésus sans Marie, c'est pas complet. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le comble. C'est grave. Hein? C'est très grave, n'est-ce pas? Oui, c'est très grave. Parce que je ne sais pas comment quelqu'un peut s'élever et dire Jésus sans. C'est pas possible. Jésus, c'est le Créateur. C'est Dieu, c'est le Père. Donc, ça biaise tout ce qu'il a dit. Quoi qu'il pouvait m'avoir dit qu'il pouvait tendre vers le Père, ayant déjà dit ça, c'est à côté. Donc, c'est très grave. Pour moi, c'est ça tout. La sœur Linda. Alors, mes frères. Oui, la sœur Albertine. Si on montait ça à l'église catholique où j'étais là, c'est ça qui va faire. Je me souviens quand j'étais à l'église catholique là, on venait avec tellement de témoignages comme ça que nous on s'affermissait encore plus dans l'église catholique. Ça réconfortait les catholiques dans leur position, quoi. Que voilà même les évangéliques qui viennent de ce côté-ci, n'est-ce pas? Oui, frère, ça nous réconfortait tellement. Mais finalement, tu as fini par sortir quand même. Je sais même qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Dieu a vraiment fait grâce. Dieu. Oui, la sœur Albertine. Je voulais tout simplement dire que vous savez, même si tu es nouveau converti, oui, maintenant que nous sommes en train de chercher à nous sanctifier, même si tu viens d'accepter tout cela, là, et que tu es dans la sainte doctrine, oui, il n'y a pas de commentaire. Déjà, même au milieu, sur ta belle Marie, et que le frère Julien nous a fait déjà, il y a beaucoup des enseignements qui nous détaillent. Déjà, même quand on dit le catholicisme, tu as même fait un peu le temps même de finir d'écouter. Tu nous as trop donné le temps. Parce qu'elle a dit Marie, on devait seulement couper. Donc, elle a dit Marie, là, on devait couper. On devait couper les. Tu écoutes blablabla. On a perdu carrément le temps. On a perdu le temps. Quand il a croisé à vie, il avait été parti. On devait se battre. On se voit. Mon frère, comme je suis levé à l'église là. En tout cas, nous continuons. Mais ce sont tes anciens collègues, non? Elle a fait ça pendant 25 ans. Bon. Alors, de toutes les façons, écoutez très attentivement. Ceci devrait vous montrer et nous montrer qu'en réalité, l'heure à laquelle nous vivons, c'est l'heure de la grande séduction manifeste. C'est l'heure de la grande séduction manifeste. Satan va user de tout son pouvoir pour shipper, enfin, de toute façon, ceux qui sont destinés pour aller là-bas, ils iront. De toute façon, ça nous permet de voir, puisque nous posons la question, que cet homme-ci, est-ce qu'il parlait par le Saint-Esprit? Nous pourrons parler du sujet, l'eau est disponible, si vous le voulez. Frère Julien. Oui. Pour ma part, son cas n'est pas le plus grave, parce que pour lui, c'est très clair. Oui. Donc, tout le monde, tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, ont compris qu'il n'est pas du corps. Quoi, il est dans l'ondem. Le plus difficile, c'est de pasteur subtil. Oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour essayer de déceler, le mauvais. Pour déceler. Qu'il en fait avec l'écriture. Oui. Et là, c'est plus difficile. Parce que là même, les enfants de Dieu tombent dans le panneau. Nous sommes tombés dans le panneau. Parce que ce pasteur n'était pas clair. Oui. Donc pour lui, c'est même clair, on n'a même plus en parler. Ça dit que c'est quelqu'un qui a dévoilé exactement qui il était. Mais il racontait étant sérieux, croyant, parce qu'il a vécu une expérience. Et c'est ça, le comble dans cette affaire, c'est que vous qui vivez la chose, vous avez une réalité qui vous comble et qui intègre votre système au point où vous savez que ce que vous en avez dit, c'est vrai. Mais le problème, c'est que c'est le vrai faux d'après la Bible. C'est pour ça qu'il est sérieux. Vous allez voir, par exemple, ma soeur, comme c'est ma soeur qui nous a introduit, la soeur de Véry qui nous a introduit dans ce domaine-là, les gens qui viennent dire effectivement qu'ils ont vu Jésus en train de pleurer, voient quelque chose. C'est ça le vrai problème. D'autres restent dans leur chambre, c'est un ange qui vient leur parler, ils voient qu'il y a une vision. Mais ils ne contrôlent pas si cet ange... Or, la Bible nous a donné l'opportunité de contrôler que n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Donc, c'est le droit scripturaire pour tester les anges, même si c'est les messagers qui viennent. Vous voyez? Et donc, les gens ne font pas cela. Donc, le problème maintenant, c'est que lorsque vous acceptez un message ou bien un messager, c'est ce qui est arrivé à Mohamed, le prophète des musulmans. Quand il est allé dans la grotte, d'abord, quand il s'est retiré dans la grotte, le démon qui lui est apparu, il avait tellement soif des choses et de l'expérience, des expériences spirituelles, au point où, quand le démon est venu en disant qu'il est Djibril, il a accepté tout simplement. Il n'avait aucune base pour pouvoir contrôler. Et cet ange-là l'a forcé à faire cette chose-là, subitement, il a accepté. Quand il l'a intégré, il pouvait maintenant dire qu'il est prophète. Pourtant, c'est un démon qui lui a parlé en le terrorisant. Donc, et ils ne vont pas venir sous la forme avec des cornes, non. Ils vont venir en âge de lumière pour transmettre des messages. À l'instant où tu as accepté le message, tu deviens leur véhicule au travers duquel ils vont véhiculer le message. Donc, la Bible nous a dit de sonder tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Quand un esprit vient. Par conséquent, si on ne le fait pas, on livre son âme. Cet homme-ci est sérieux comme toutes les autres personnes qui ont les visions. Regardez ça, en quittant le milieu chrétien pour le milieu traditionnel. Quand vous voyez quelqu'un qui dit... J'ai rêvé que mon grand-père est venu dans son... Son grand-père est mort depuis, ou bien un parent est mort. Et il est venu, il a dit telle chose. Si vous allez faire, ça a marché. Comme cette expérience-là a marché et que c'est réel pour lui, vous allez beau dire que les ancêtres, sont, quand ils sont morts, ce sont les démons, ils ne vont pas croire parce qu'il a vu son grand-père. Et le message qu'il a vu, c'est son grand-père. Il reconnaît la voix de son grand-père et ce qu'il a dit est vrai. Il est allé, ça s'est manifesté. C'était la proie pour l'attraper, pour qu'il les serve, tout simplement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Et voilà pourquoi donc Dieu a donné quelque chose de stable, les saintes écritures, afin que même s'il y a n'importe quoi, même s'il y a une chose réelle et que c'est contre aux écritures, tu refuses ce qui est réel, tu acceptes la vérité. C'est pour ça que les saintes écritures sont données. Oui. Allô frère. Oui. J'aimerais comprendre dans la suite de ce qu'on est en train de dire là, comprendre un verset. Oui. Dans Romains 10, verset 14. Oui. Je peux dire le verset? Oui. Comment? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Oui. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Oui. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui les prêche? Voilà. Parce que dans les dénominations, on se base beaucoup sur ce verset. Mais moi, je me souviens que moi, on ne m'a pas prêché. Oui. Et puis, un jour, j'ai commencé à ressentir que quelque chose me manquait et j'ai commencé à changer. Ce n'est pas quelqu'un Ma soeur, attends, développe ta pensée. Tu disais que dans les dénominations, on prend ces passages pour dire quoi concrètement? Pour envoyer les gens aller voir les voisins. Bon, moi, okay. C'est bon. Finis la lecture pour qu'on va voir ce qu'il en est. Je continue. Oui, continue ta lecture. Pourquoi on voit c'est parce qu'en réalité, dans le plan contenu ici dans la Bible, ça contredit cette manière d'envoyer. Oui. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Oui. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Stop. Souligne envoyé. Tu as vu maintenant comment tu commences à lire maintenant et tu vois que quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, dès que tu as souligné, allez, quoi, envoyé, vas-y dans le livre de Luc au chapitre 10. La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour, frère. J'ai mon bien-aimé frère Christian qui est caché en Christ, là, je le vois quand même. Avec les châtillons. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Lis à partir du verset 1 jusqu'à ce qu'il te dise stop. Allons-y, ma soeur. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, oui. Mais il y a peu d'ouvriers. Oui. Priez donc le maître, oui, de la moisson, oui, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Ça va. Voilà la base scripturaire. Donc, dans ce livre des Romains, chapitre 10, verset 14 à 16 que tu as lu, il est dit là-bas que les gens qui doivent aller prêcher doivent être envoyés. La question qu'on a posée, c'est qui envoie? Qui envoie? Romains, Luc chapitre 10 répond. Il a dit que ce n'est pas à vous d'envoyer quelqu'un. Jésus n'a pas dit que, comme la moisson est grande, envoyez les gens, convertissez les gens, envoyez-les. Non, non, non, non. Il a dit que la responsabilité, c'est qu'on prie pour que le maître envoie les ouvriers à sa moisson. Donc, personne n'a le droit de commissionner quelqu'un d'autre que va prêcher telle ou telle chose. C'est Dieu qui doit commissionner. Amen. Voilà. Donc, ça dit que, si tu vois effectivement que dans le livre de Romains, chapitre 10, les gens prennent ça pour dire que, comme tu as dit que dans les dénominations, on prend ça pour envoyer les gens. Si, vous, si quelqu'un vous envoie, ça veut dire qu'en réalité, il ne prend la place de Dieu. En fait, c'est sa moisson à lui qui est grande. Il envoie les ouvriers. Donc, c'est pour ça qu'on vous appelle dans les églises les ouvriers. Pour que vous œuvrez pour eux. Quand il dit, vous ne savez pas l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que ça ne va pas. Ils vous chassent. Ou bien ils vous chassent de l'église. Parce que c'est leur église, c'est leur entreprise. Christ Jésus ne chasse pas les gens, les ouvriers. Parce qu'il a dit que ceux-là, quand il les envoie, c'est pour qu'ils partent et qu'ils portent des fruits, que les fruits demeurent. Amen. Amen. Courage, d'accord, mes soeurs. Qui parlait? Il y a quelqu'un qui parlait en toi là. C'était le frère Olivier ou qui encore? Maman Albertine a dit que, comme elle a dit que Marie, on devait couper comme ça, tchac. On ne peut pas entendre qu'il dérange. Oui. Mais, frère Junior, oui. Je voulais aussi dire que, vous savez, quand nous venons dans tous ces camps de concentration là où tout le monde est mal vu. Oui. Tu sais, nous entraînons avec nous un démon d'émotion. Oui. Et on n'est pas maîtrisé par la parole. Moi aussi, je peux. Mm. Moi-même aussi, j'étais dedans. Oui, dis-nous. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Mm. Ce n'est qu'une délivrance, ce n'est que la main de Dieu qui peut te saisir, parce que cette écriture que nous venons après de lire, vraiment, il faut avoir vraiment l'esprit ouvert pour comprendre ce que la parole de Dieu dit. Parce que le mouvement là, c'est quoi? Comme on a déjà fait dans les écrits, je dis que on danse. Oui. Il fallait me voir en ce moment là. Moi-même qui aime les danses. Dis-nous. Je suis rentré avec maman danse là-bas. Oui. Je viens vraiment vous dire, on rit d'abord jusqu'à. On ne va pas se dire. J'étais vraiment maman danseuse. Maman danseuse. Oui, j'aime la danse. Mm. Mais quand je dansais, je danse pour toi. Il y a un jour, une soeur m'a dit que la danse là que tu dansais, c'est ce que tu vas amener. C'est des trucs comme ça là. Donc, j'ai envie de dire que frère Junior, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas, oh my God, c'est vraiment, ce n'est pas vraiment facile que nous le comprenons. Mm. Pour revenir aux scènes d'écriture, il faut vraiment la main de Dieu te saisir. Mm. Parce que moi, qui parle au jour d'aujourd'hui, moi, je ne pouvais pas rester comme ça là, je ne sors pas de voir. Autre chose que vous dites que la Bible a dit, je connais seulement qu'allez-y de voir et puis donner les gens l'évangile. Oui. Je ne pouvais pas m'asseoir comme ça. Et je veux aussi témoigner quelque chose. Mm. J'ai fait rencontre de lui, c'est un Allemand. Mm. A déjà 55 ans. Mm. Et alors, comme il aime aller évangéliser, tu le fais. Donc, il m'a vraiment amené dans son équipe. Alors, quand j'ai regardé la période de décembre, le pasteur a fait la confiance. La sœur Nafissa, il y a du bruit chez toi. Il y avait des sangs. Tout ces choses-là, j'ai décidé ça pour aller regarder un peu. Et puis, lui, il ne discernait pas. Mm. Je lui ai dit que, mais, il est descendu. Pour le jour, il voulait que j'assiste. Il voulait que j'assiste un peu. Alors, eux, là-bas, ils mangent. Donc, le culte était tombé. Il sait que le temps était tombé un dimanche, si je me souviens bien. Mm. Après, il fallait aller au culte. Après, ils vont repartir le soir. Oui. Le soir, là, on arrange les tables pour que tout le monde amène la nourriture. Maman Betty. Oui. Je te pose la question, quand tu sortais, comme, restons sur le plan des sorties, quand on parle, parce qu'on parlait ici des gens qui sont envoyés, quand tu sortais là, qui t'avait envoyé d'aller sortir pour aller évangéliser? Non, là, voilà, personne ne m'a pas envoyé. Maintenant, je viens dans le cadre pour vous dire ces choses-là. Je ne sors pas du cadre. Parce que le monsieur en question, lui, il m'avait évangélisé. Oui. Et il dit que je suis dans ça. Je suis dans Jésus là. Oui. Donc, il a voulu maintenant qu'on fait ensemble, on part toujours évangéliser dehors. Donc, tu étais dans son équipe, quoi. Il t'a pris dans son équipe. Comme tu me vois là, moi, je. Oui, c'est là où j'ai envie d'envenir. C'est ça que j'ai envie de vous expliquer. Donc, dans l'évangélisation, il partait chaque samedi. Et moi aussi, je me suis joint à lui. Après, je lui disais que moi, je ne fais plus poche là. Je suis déjà quitté dans l'église. Pour me joindre avec les frères, nous avons pris au téléphone. Il dit comme ça. J'ai dit oui. Et je lui ai dit que moi, je cherche ma délivrance. Toi aussi, tu as besoin de la délivrance. Tu vas aller et on continue à tuer. On continue à forniquer. On continue à boire. Quelle église? Parce qu'un jour là, on a mis ancien de l'église. Il m'a dit que comment tu peux que tout le monde s'habille, les longs robes comme toi, les foulards comme toi. Après, je dis que mais tout est dans la Bible. Il dit que bon, voilà la Bible, je ne vois pas. Je dis quelle Bible que tu en as. Donc j'ai envie de vous dire que ce n'est pas facile que ça. C'est la main de Dieu qui peut ramener la personne. Ça, c'est la grâce aussi. Et quand on a fait le jeûne, je lui ai dit, frère, quand j'ai regardé, toi tu ne discernes pas, je vais te dire quelque chose avant que tu comprennes. Je lui ai dit que ton pasteur, il n'est pas dans les écritures. Quand je te dise la vérité, décembre, on doit construire encore une autre petite maison dans l'église. Je dis, Il dit, pourquoi? J'ai dit que parce que tu ne connais pas. Quand tu vas asseoir toi dans les écritures, tu comprendras. Je dis que je suis venu pour boire aussi. Et j'ai coupé. Il y avait un jeune que, je crois que le mois s'est passé, vous aviez demandé de faire un jeûne. Moi, je lui ai dit que moi, je ne viens même plus dans tes jeûnes. Je t'ai dit, je croyais que tu vas te soir pour comprendre et pour qu'on puisse voir le frère Junior pour qu'il puisse te faire la délivrance. Tu vas partir de voir. Oh, pasteur, là, vous allez chercher le problème, vous venez me mettre, tu vous mettez mon nom là-dedans. Je lui ai dit ça, bon, il n'a pas encore compris, dit que pourquoi je reste à la maison. Je lui ai dit, je reste à la maison parce qu'il n'y a rien là-bas, c'est du banditisme organisé. Les maisons de l'église là sont devenues des bois de nuit. Je te fais comprendre parce que tu es un monsieur qui est gentil avec moi. Tu me rends les services. Maintenant, je ne peux pas te laisser sans te dire la vérité. Ce n'est pas parce que tu m'as vu, j'ai accepté de venir. C'est pour moi ce que vous êtes en train de faire. Et je te fais comprendre, ce jour-là même, je lui avais dit que je vais te voir, on va s'asseoir, on va parler. Je lui ai dit ça. J'ai dit que tu ne peux pas me comprendre, mais que Dieu te comble de grâce. Donc, je voulais tout simplement dire que, comme nous parlons de ça aujourd'hui-là, merci à la sœur pour ce qu'il a amené. On a encore, nous tous, encore les séquelles de ça. Que Dieu nous en délivre. Amen. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile pour que quelqu'un ouvre ses yeux comme ça là et voir que je suis en train d'aller quelque part comme là. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et ce monsieur-là, c'est un Allemand. Cet homme-là, c'est un Allemand. Oui, c'est un Allemand. Il faut voir. Et je lui ai dit, le jour que si Dieu plaît à Dieu, tu viens encore ici, tu ne vas pas refuser. Comme l'a dit. Il avait dit que si le frère Junior vient, il te délivre. On le délivre. Je te dis qu'il a besoin de te faire. Un jour, je lui ai demandé que mais la boisson qui sort encore dans le corps comme ça, là, c'est quoi? Je lui ai dit que mais avec ça, on va aller évangéliser. Non, on ne peut pas continuer. Et quand il est venu me faire la peinture à la maison, il est toujours servi à comme je n'ai pas pris à l'équipe. Il me dit que oui, pourquoi je ne lui parle pas. Je dis, je ne peux pas me mettre avec vous quand je suis en train de pleurer, quand je suis en train de demander à Dieu où je suis encore, je ne peux pas. Je ne peux pas, frère, je ne peux pas. Même comme je ne connais pas Dieu. Mais quand je regarde les Écritures, ne me montre pas que le pasteur, je lui ai dit que si vous voulez que je revienne là-bas, que votre pasteur revienne dans la parole pure. Parce que là, nous sommes en train d'aller à l'enfer. Mmh. Si des gens disent que moi, j'amène du foie pour faire le plat, que l'ancien dit que ce n'est pas ça. Je dis que, mais avant d'arriver là, je vous avais dit que voilà ce qui est dans l'église. Et il ne veut pas comprendre, mais je ne peux pas lui en vouloir. Donc, quand il est venu encore pour me faire la peinture à la maison, il m'a demandé, donc, tu n'as pas même peur dans l'église de moi là. J'ai dit, je ne parle pas. Tu m'avais trouvé, je suis avec les frères juniors. Et je t'ai dit ça, que je ne veux plus toutes ces choses-là. Moi-même, je n'ai pas fini ma part. Donc, ne crois pas que parce que je viens, je voulais voir ce qui se passe. Pour que je ne te fasse comprendre, mais comme tu n'as pas encore prêt, je comprends, je te laisse d'abord. Mais si le prêt vient, je vais t'inviter et tu vas venir comme ça. Si tu auras besoin de la délivrance, il va te délivrer de toi quand tu es là. C'est un peu ça, mes frères, de Dieu. Nous parlons quelque chose qui a tourné nous autres là dans ces églises-là. Parce que même, on va te dire que pourquoi tu vas mettre le poulain, pourquoi tout ça là. Donc, je voulais tout simplement contribuer pour dire que Dieu aussi, même comme nous tous nous parlons là, que Dieu nous forme de grâce encore, parce que ça ne nous laisse pas. Nous-mêmes qui cherchons la sanctification là, mais il y a les petits choses qui nous fait encore, qui nous met encore vraiment, tu les as comme ça, on dit que c'est quoi là. Qui fait la sanctification, ça ne nous laisse pas. Que Dieu nous forme ces marques-là de sortir dans les gnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnag c'est l'heure où le jugement commencera par l'Église. Et si c'est par nous qu'elle commence, que sera le cas de l'impie, de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Alors, ceci donne le résumé de ce que nous avons lu dans le livre de Moïse, au chapitre 29 de Deutéronome, verset 3 dans lui second révisé et dans verset 4 dans d'autres versions, où il dit jusqu'à ces jours, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, ni les yeux pour voir. Vous voyez, ça veut dire que si ce n'est pas Dieu qui le fait. Dans le livre des Actes, chapitre 16, nous voyons comment le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie pendant que l'apôtre Paul avait ouvert le cœur de Lydie, la marchande de pourpre, lorsque l'apôtre Paul était en train de prêcher pour qu'elle croie. Comment Dieu est allé ouvrir seulement le cœur de Lydie alors que les autres cœurs sont là? Vous voyez? Alors maintenant, on dit aux gens, il faut sortir, aller prêcher. En réalité, voici encore la chose. Voici ce que les pasteurs devaient vous dire. Allez nous chercher les clients qui vont venir nous contribuer ici pour notre argent. En clair, c'est ça qu'il devait dire. N'est pas pour dire, c'est pas le souci des gens pour aller en enfer, parce que Dieu n'a pas de souci pour sauver quelqu'un. Il n'en a pas de souci. S'il fallait que les apôtres Pierre partent faire les campagnes d'évangélisation, tu ne verrais jamais l'apôtre Pierre entrer chez Corneille. Pas vrai? Tu ne verrais jamais Philippe en train d'aller dans les villes de Samarie pour prêcher. Mais Dieu, quand il veut sauver quelqu'un, il envoie les gens pour aller les sauver. Souvenez-vous, c'est Dieu qui envoie des prédicateurs. Alors la Bible déclare au verset 9 que les tables, et David dit, et que les tables soient pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Nous sommes dans Romains chapitre 11, le verset 9 cette fois-ci. Vous avez tellement écouté que vous avez oublié là où on était, frère. Le frère Christian. Donc, souvenez-vous, l'apôtre Paul dit qu'il a pris Isaïe a dit que Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Mais souvenez-vous, et j'ai dit plus haut qu'il a dit que les autres ont été endurcis. Remarquez bien, on n'a pas dit que les autres se sont endurcis. Quand vous dites aux gens que non, pourquoi tu endurcis ton cœur? N'endurcis pas ton cœur. La personne ne sait même pas où son cœur se trouve. Il touche comme ça, il dit qu'un cœur a dit qu'un cœur a dit qu'il ne connaît pas là où son cœur se trouve. C'est Dieu qui accorde la conversion, c'est lui qui accorde la repentance. C'est lui qui accorde. Si ce n'est pas lui qui accorde, tout ce que tu fais, c'est zéro. Même si tu peux t'asseoir quelque part, oh Seigneur, pardonne tous mes péchés. Pardonne-moi, oh Dieu, que le sang de Jésus qui me lave, même si mes cheveux étaient blancs, n'importe comment que ça me lave. Tout ce que tu fais là, c'est le zéro. Souvenez-vous de cela. C'est le Seigneur qui doit attirer les gens à lui. Oui, ma soeur. Madame Veille Châtillon. Oui, justement, pour étayer. Tu dis est vrai parce que moi aussi ça a été le cas. Personne ne m'a prêché. J'ai commencé à ressentir le besoin de m'impliquer dans les choses de Dieu. Oui. Je n'étais dans aucune religion, rien du tout. J'étais chez moi. Je ne fréquentais aucune église. Je ne connaissais même pas les gens qui fréquentaient les églises. Et j'ai commencé à ressentir ce besoin de chercher le Seigneur en fait. Oui. Donc, cette soif-là commençait à naître en moi sans rien entendre, sans entendre même la parole de Dieu. Si vous êtes dans cette condition, vous allez remarquer qu'en réalité, lorsque ça naît comme ça, la seule chose qui puisse contenir cela, c'est lorsque vous êtes dans la vérité. Quand vous entendez quelque chose de Jésus, vous êtes content. Vous allez chercher, même si vous allez partout chercher, il y aura des miracles là-bas. N'importe quoi qu'on va dire là-bas, ça ne va pas vous satisfaire jusqu'à ce que la parole trouve sa place dans ton cœur. Et lorsque ça trouve sa place dans ton cœur se stabilise. Ça veut dire qu'en réalité, le cœur ouvre sa bouche pour réclamer justement le besoin de l'éternité, comme le Seigneur a dit. Jusqu'à ce que vous trouviez la parole de vie qui donne la vie éternelle. Quand vous trouvez cela, vous êtes arrivé à la source d'eau telle que Agar l'avait fait dans le livre de Genèse. Vous voyez cela? Donc quand le Seigneur ouvre cet état-ci, c'est ce que l'apôtre le psalmiste disait, que mon cœur dit toute la nuit, cherche ma face. Dieu murmure à ton cœur, cherche ma face, cherche ma face. Tu vas regarder sur le paysage religieux, tu vas aller par ici, tu vas aller par ici, ça ne donne pas. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas t'accoutumer comme les autres. C'est parce que tout simplement, c'est que la voix qui est à l'intérieur, le besoin là est authentique. Il cherche l'authentique. Ce n'est que lui qui peut combler cela. Et lorsque vous le trouvez, vous êtes calme comme mon frère Christian est là comme ça. Calme dans votre coin. Personne ne peut vous déjouer. Amen. Et par conséquent, il faut aussi comprendre que les autres qui n'ont pas ces choses-là, quand ils n'ont pas, ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont seulement suivre la foule, suivre le groupe. Quand on va monter, on monte. Campagne d'évaluation passive, on part faire telle chose là-bas, on sort, ils sortent. Et puis vous leur posez la question, vous êtes convertis? Non. D'autres formes comme ça ne sont pas baptisés. On dit que c'est le prédicateur non baptisé. L'autre dit que c'est le pasteur proposant. Vous les regardez comme ça, vous dites, mais celui-ci sort d'où? Pour après faire 25 ans et puis les musulmans les convertissent ou bien les pasteurs, les catholiques les convertissent. Là, celui-ci même, il n'a même pas été converti par un prêtre parce que les prêtres ne se dérangent pas pour sortir. Vous avez vu un prêtre sortir pour aller prêcher? Il est resté, c'est Marie qui l'a envoyé à l'église catholique, va par là-bas, dis donc, dérange. Ok. Donc, dans ce livre de Romains, chapitre 11, dans le verset 9, dit que David a dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute. Là, c'est Ophélie qui a posé la question, est-ce qu'elle est encore là? La sœur Ophélie est là, ou bien elle a présenté Nia de Dilige sur l'autre côté. Un filet, de toute façon, même si elle n'est pas là, on continue, tout le monde a entendu. Un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. C'est David qui prophétise comme ça. Et tient les dos continuellement courbés. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Donc, regardez très attentivement la façon qu'il pose la question. Il dit, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Donc, est-ce que le but de broncher là, c'était pour tomber? Il dit, loin de là, ce n'était pas pour ça. Donc, en fait, ah mon Dieu, les Saintes Écritures. L'apôtre Paul pose la question, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Bronché, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fait qu'ils ont chuté. Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible. Ça veut dire que leur branchement, leur chute était dans le plan de Dieu. Il fallait qu'ils rejettent le Sauveur pour qu'ils puissent intégrer les païens. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Ça veut dire, tant qu'il n'y a pas la chute d'Israël, les païens sont éloignés de Dieu. Dieu a fait donc ouvrir, il a ouvert une brèche pour que les juifs le rejettent afin qu'ils se tournent vers les païens. Mais la question c'est, est-ce que le fait qu'ils ont rejeté Dieu, Dieu les a rejetés totalement? Que non, parce qu'ils n'ont pas rejeté de leur propre gré. C'est un esprit que Dieu leur a envoyé pour qu'ils le rejettent. Parce que si ce n'était pas comme ça, ils devaient le reconnaître. Amen. Maintenant, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, écoutez, si leur chute a été la richesse du monde, voyez, Dieu était prêché seulement en Israël. On entendait seulement le Dieu d'Israël. Maintenant, le voici qui est publié par toute la terre. Parce que la Bible déclare que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. C'était prophétisé comme ça. Mais comment est-ce que ça devrait être rempli de la connaissance de l'Éternel sans que ça ne soit invoqué, alors qu'il est seulement invoqué en Israël? Le mystère était tout là, le mystère était enveloppé là-bas. Donc quelque chose devait se faire. Ouais, c'est pour ça que vous voyez les musulmans disent que non, Jésus dit qu'il n'était envoyé qu'au brevet égard des enfants d'Israël. Oui, c'est vrai. Il est venu premièrement pour cela, pour les aveugler, afin de se tourner vers les païens. Voilà le mystère. Même ceci, si Dieu ne t'ouvre pas les oreilles, ni les yeux, tu vois, on va beau te dire n'importe comment, tu vas bien voir ça dans la Bible, tu vas dire que c'est l'apôtre Paul qui a détourné le christianisme. Verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Donc, l'apôtre Paul vient de dire clairement qu'ils vont se convertir encore. Puis il dit, je vous dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Gardez bien ces mots-ci, la racine et les branches. Parce que la racine ici, c'est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Pour Dieu, voilà l'arbre. Tout ce qui va greffer dessus, là, il peut enlever le feu n'importe comment, mais l'arbre ne change pas. Mais si quelques-uns, verset 17, mais si quelques-uns, quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté, c'est-à-dire gravé, greffé, à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Vous voyez cela? Jésus leur avait dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, qui je suis, vous périrez dans vos péchés. Or, c'est lui qui les a aveuglés. C'est ça le vrai problème, le mystère d'aveuglement. Et toi, tu subsistes par la foi. Vous dites, non, je suis juif. Nous sommes le peuple d'Israël spirituel. Comment tu as fait pour te retrouver là-bas? Par la foi en Jésus-Christ, tout simplement. Parce que Galates chapitre 3 explique et que si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ah, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Et c'est comme l'apôtre Paul écrit que il ne t'épargnera pas non plus. C'est ce qu'il va faire chez les païens. Donc, ça veut dire, l'apôtre Paul dit que comme il a fait avec les juifs, il va faire la même chose avec les païens. Donc les païens seront en train de dire, oh Seigneur, souvenez-vous de ceci. C'est le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Quand il s'est tourné vers les païens, il ne les a pas empêchés de dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Il continue toujours à lire la Torah, le Tanakh. Il lit toujours ça. Mais Dieu n'est plus là-bas. Dieu, le Saint-Esprit dit ici dans ce verset 21 que, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, ils étaient naturellement greffés là-bas. Il dit, il ne t'épargnera pas non plus. Dieu vient de dire clairement qu'il va faire la même chose avec les païens, comme il a fait chez les juifs. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Deux points. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Verset 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Vous voyez? Et dans l'incrédulité, pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas au Fils. Or, la promesse est dans Zacharie, chapitre 13, que Jésus va déverser l'esprit de grâce et de supplication pour qu'il tourne le regard vers lui. C'est-à-dire que l'esprit d'incrédulité sera ôté. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. Nous y voilà. Donc c'était enveloppé. Afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que, regardez bien, jusqu'à. Donc, la longueur du temps, la période que Dieu l'endurcissement des Juifs, c'est jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Dans la première prédication, l'apôtre Pierre avait dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux, et pour tous ceux qui sont aussi loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Car le grand nombre, selon que le dessein de Dieu est accompli, quand il va les réunir, à ce temps-là, il va se tourner vers Israël. Voilà le plan. La Bible déclare, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ça ne veut pas dire tous les païens. Ça veut dire la totalité des païens appelés de Dieu. Tout le nombre que Dieu a s'est fixé que chez les païens, s'il avait dit que c'est 4 milliards de païens qui vont entrer, quand les 4 milliards vont se suivre, il va se tourner vers les juifs. Alors j'ai pris ce passage, c'est parce qu'il voulait dire quelque chose à Ophélie, notre soeur Ophélie qui a touché ce sujet. C'est qu'en réalité, quand l'évangile va rentrer chez les juifs, les gens vont continuer à lire la Bible comme eux ici, pendant que nous sommes en train de lire Jésus ici, ils lisent la Tanakh, mélangé avec, avec les Talmud, mélangé avec tous les cultes païens, mais ils seront purifiés. Vous voyez? Maintenant, nous avons l'évangile. Déjà qu'au milieu de nous, malgré qu'il y ait l'évangile comme ça, regardez le mélange, comment on le dit, comment on mélange catholique ainsi de suite avec toutes les autres doctrines. Imaginez donc quand le Saint-Esprit ne sera même pas présent. Imaginez. Les gens vont prendre même le bois. Dit que même Élisée avait le bois, il a lancé ça dans l'eau. Adorez ça, vous allez voir. Même le sel, on va adorer. Regardez ce qui se passe. Alors, quand le Saint-Esprit va quitter maintenant pour se tourner vers les Juifs, les païens auront toujours les Saintes Écritures, on aura toujours la Bible. Dieu ne va pas les enlever. Mais ils vont lire la Bible sans effet. Ils vont crier Jésus. Dis Jésus est mort à la croix. Ça sera terminé. La croix n'aura plus d'effet pour eux. Ah, le nom de Jésus est puissant. Il est écrit. Parce que quand il va quitter pour aller chez les Juifs, il ne doit pas changer le verset qui dit qu'il n'y a de salut en aucun cas. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. Ce nom a été donné pour la période de la grâce. Après la période de la grâce, il n'y aura plus de salut, même si tu lis ces versets. Le verset qui dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça n'aura plus d'effet. Parce que les Juifs le font maintenant. Ils lisent exactement les mêmes livres de l'Ancien Testament de Moïse. Parce que la Bible déclare, lorsqu'ils lisent Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Maintenant, puisse-vous dire, à part d'après les Saintes Écritures, qu'il y a le voile qui sera jeté dans le cœur des païens aussi. Ça se trouve dans les Saintes Écritures. C'est prévu dans les Saintes Écritures qu'à un moment donné, non, le païen l'invoque, ils ne le font pas. Il a dit que Dieu va lui donner l'esprit d'égarement pour qu'il croit au mensonge. Donc, le mensonge va être prêché sur la terre comme étant la rédemption, le salut, la voie du salut. C'est prévu. C'est écrit là, noir et blanc, que Dieu va leur donner l'esprit d'égarement parce que le temps que la vérité était prêchée, ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, le temps pour être sauvé était le temps où on prêchait la vérité. Cet instant-là, tout ce que vous allez croire sur la terre, ce sera du mensonge. Donc, aux amateurs de ceux qui prêchent que non, du moment de au moment de la grande tribulation, il y a des gens qui vont prêcher pour que les gens soient sauvés. Et, arrêtez ça, ce n'est pas biblique. Pendant cette période-là, il n'y a plus de salut. Le nombre est complet. Tous ceux qui ont été sauvés sont sauvés. Les gens qui vont rester sur la terre, qui vont tenir ferme pour Jésus, leurs noms sont écrits. Ils vont tenir scellés par la foi, on va les tuer. Ils vont entrer de toutes les façons parce qu'ils sont déjà sauvés. Donc avant que les gens ne meurent, que, ou bien la grande tribulation ne vienne, le nombre de salut est complet. Vous mourrez même à part l'Antichrist, vous mourrez, vous entrez seulement là-bas. Même par la souffrance. Alors le salut va venir, va rentrer chez les Juifs. C'est sorti de chez les Juifs, le salut vient des Juifs, ça va retourner là-bas. Et quand ça va retourner là-bas, vous allez être sur la terre n'importe comment, vous dites, oh, j'ai la joie. Et Jésus ne doit pas empêcher que vous chantez votre musique. En tout cas, chantez quand l'Antichrist entend, vous allez lui dire, oh Seigneur, tu es ton nom est puissant. Le démon va te dire, raconte une histoire, tu bavardes là. Dis encore ça, tu vas voir. Et cela, tu vas comprendre maintenant que soit tu prends la marque ou pas. Alors, la Bible déclare donc, verset 25, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, c'est afin que vous ne vous regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Vous avez vu là où il vient, non? Sion ne se trouve pas au Cameroun. Ce n'est pas dans la ville d'Angola. Non, non, ce n'est pas là-bas sur la montagne quoi, à Porto Novo. Jamais. Le libérateur viendra de Sion et il détournera. Voilà la prophétie. C'est dit ici sans œuvre qu'ils vont accomplir. Et il détournera de Jacob les impiétés. Il dit, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Vous voyez, ici cette promesse est donnée alors que le Saint-Esprit dit clairement que Jésus a déjà résolu le premier péché. Vous voyez cela? Il dit qu'il y a quelque chose qui va venir, j'ôterai leur péché. Lorsque j'ôterai leur péché, en ce qui concerne l'évangile que nous prêchons maintenant, la Bible déclare, ils sont ennemis à cause de vous. Donc Dieu a créé cette inimitié-là avec l'évangile. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Comme il avait fait la promesse à Abraham, que telle sera ta postérité, ça sera comme ça. Vous y êtes. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Soulignez tous. Vous avez souligné, n'est-ce pas? Dans ce verset 32, la Bible déclare que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors, est-ce que le mot tous ici veut dire que tous les humains sur la terre, Dieu va les faire miséricorde? Vous voyez que de tous ici, se réfère à la totalité des gens qui vont entrer, n'est-ce pas? Pour que tout le groupe soit au complet. Donc, souvenez-vous de ceci. Lors de la grande tribulation, il y aura bien des pasteurs. S'il y a déjà les prédicateurs sur la terre maintenant qui se convertissent en Marie, imaginez donc sur la terre quand la grande tribulation sera là. Et sur la grande tribulation, on ne doit pas empêcher les dénominations. Bien plus, ça sera encore bien développé et bien normalisé sur le plan institutionnel. Les gens vont prêcher, on va savoir que tel prédicateur sort de telle église, et ainsi de suite, il a la carte, ils vont prêcher avec leurs membres. Enfin, les pasteurs auront même un habit unique avec des symboles dessus pour montrer clairement qu'ils sont du groupe pastoral servant l'Antichrist. Ils vont prêcher, continuer à prêcher. Prêcher qu'il y a espoir. il y a l'espérance, mais c'est terminé. Ce sera terminé. La France de la sainteté, bonjour. Bonjour, frère. Bonjour. La sœur Sandra a posé mercredi, oui, un pasteur disait que Jésus était méchant parce que lui, il a d'ailleurs sélectionné à l'avance les personnes qui seront sauvées et ceux qui iront à l'enfer. Même si, donc, comme vous dites, même s'il dit qu'il est méchant, là, ça fait quoi? Il ne dit rien de l'écriture. Les gens ont traité Jésus dans la Bible de démon. Il a dit que je suis en train de faire l'œuvre de mon père ou m'outrager. Donc, celui-là continue son chemin. Des questions? Oui, excuse-moi, frère Junior. Oui, merci pour ton explication concernant les trucs des juifs et tout. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, moi, je vais juste. J'ai un rassemblement avec les autres frères, donc je vais devoir partir. Merci. Mais avant de partir, je voulais vous dire en fait quelque chose. Hier, quand j'ai fini de prier, en fait, j'ai eu une vision où je voyais une personne en fait qui allait chercher du travail. Et on disait en fait dans le dossier, en fait, on disait que ah monsieur, si vous n'appartenez pas en fait à cette religion là, vous ne pouvez pas travailler en fait, quel que soit votre dossier, même s'il est bon et tout, vous ne pouvez pas travailler et tout. Donc, ce qui voudrait dire qu'il arrivera un moment où, si on n'appartient pas à la religion de l'ordre mondial, en fait, peu importe le diplôme et tout ça, les gens ne pourront plus travailler, en fait. Moi, c'est ce que j'ai compris de cette vision. Voilà. Et j'avais aussi eu une vision où je voyais, enfin, on me montrait, en fait, la carte du monde. Et vers les États-Unis, en fait, il y avait une... Il y avait plein de personnes en fait qui venaient. Ça peut couper. Non, on t'entend, ma soeur, on t'entend. Ok, d'accord. Donc il y avait plein de comme des comment on appelle des robots, des trucs comme ça en fait qui venaient envahir la terre. Et en même temps, d'un autre côté, il y avait comme des anges en fait sur leur char qui luttaient en fait contre. Conseil, j'en sais, ces envahisseurs là en fait, et le Seigneur nous disait que il y a des moments, en fait, il y a des chrétiens au lieu de se préoccuper des choses de la, enfin des choses spirituelles et tout, ils aiment beaucoup plus se préoccuper de leur train-train quotidien, c'est-à-dire oui Seigneur, je n'ai pas ci, Seigneur, je n'ai pas ça, mais il m'a dit mais s'il n'y a pas de paix en fait dans le monde, mais comment vous pouvez penser en fait à bien vous nourrir, ou bien vous loger, ou bien faire ceci, ou bien faire cela. En gros, en fait, ils interpellaient à prier vraiment sur ce qui arrive bientôt sur la terre, parce qu'il y aura genre un véritable conflit. Et quand nous sommes en paix dans un pays, bah, on peut bien prier, on est mieux aguerri pour pouvoir prier tout. Mais si il n'y a pas de paix, comment voudrait-on être... Enfin, la foi un peu émiettée, si on doit dire, quoi. Donc, on doit vraiment prier pour le monde, prier pour la situation qui arrive et tout. Et parfois, laisser un peu nos problèmes personnels de côté pour vraiment prier pour la situation, les différents pays, quoi. En tout cas, quand ça va arriver, quand la détresse va commencer à arriver, les gens qui auront prié auront la force pour résister. Ceux qui n'auront pas prié vont commencer à chercher qu'est-ce qui ne va pas. Le temps de chercher, à ce moment, au milieu de la détresse, la question qu'est-ce qui ne va pas, mais on va aller dans quelle direction, n'a plus de sens. Comme les gens posent la question que les jeunes, ces jeunes, c'est biblique, quand ils vont, qui mangent, demandez-les de manger. Quand ils vont manger, ils seront suicidés. Le mangement là est biblique quand la détresse sera là. Bon rassemblement, ma soeur, et bon délice également dans les nuages. Que Dieu te bénisse. Merci, bye bye. Au revoir tout le monde. Au revoir, ma soeur. Amen. Voilà. Et prenons deux ou trois questions là, et puis je me prépare pour ceux de l'Allemagne aussi, parce que ceux-là ont été négligés pour longtemps, n'est-ce pas, ma soeur? Oui. Oui, justement, aujourd'hui on a parlé de Deutéronome et de Romains. Oui. Et comme j'ai une question, en fait, il y a une question qui me taraude de l'esprit depuis quelques jours déjà, c'est ce sujet du libre arbitre. Oui. Qu'est-ce que j'entends par le livre? J'ai discuté avec mon épouse aussi là-dessus, et puis on arrive à s'entendre. En fait, c'est que le Deutéronome 30, à partir du verset 19, quand je vais essayer de vous dire. Oui. Deutéronome chapitre 30. Au verset 19, oui. Oui. On dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Oui. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Or, justement, dans Romains 8, il est dit au verset 29, je crois. Je vais fermer ça, j'avais ouvert tout à l'heure. Dans Romains 8, au verset 29, là il est écrit, voilà, là il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oui. Et Jean 10, au verset 29, nous dit, mon père qui me les a donnés, et puis ainsi de suite, personne ne peut les ravir de la main de mon père. Donc la question était de savoir, est-ce qu'un enfant de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a été prédestiné depuis la fondation du monde, possède ce qu'on appelle le libre arbitre? Et jusqu'où s'étend justement la liberté de ses actions, en fait, dans ce qu'il peut faire? C'est la question. Bonne question. Maintenant, je pose la question à toi. Tu m'écoutes? Comment tu dis là? On n'a encore pas posé. On y va. Je t'écoute. Tu es prêt que je te pose la question, frère? Écoute, écoute. Définis-moi ce que tu entends par libre arbitre. Ok. Ce que j'entends par libre arbitre, ou bien ce que je voulais ici positionner comme libre arbitre, c'est pour dire, est-ce que justement, il y a le choix de ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut vivre selon ses propres choix? Or, d'après ce que je sais, c'est qu'un enfant de Dieu ne vit pas selon ses propres choix, mais il vit selon les choix que le Seigneur a effectués pour lui. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas à l'homme au moment de se diriger de... Dans Jérémie chapitre 10, verset 23, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas, dit la Bible. C'est pas exactement, merci beaucoup. C'est dans Jérémie chapitre 10, verset 23. Mm-hmm. Avec cela, ça contredit directement ta notion de libre arbitre, n'est-ce pas? Exactement. En fait. Alors, maintenant, c'est pour dire clairement que toutes ces choses que la théologie a pris pour infester le corps de Christ doivent être nettoyées maintenant. Je vous pose la question. Qui parmi vous a décidé de naître là où il est né? Dans le corps de sexe, la couleur? Qui? Personne. Donc tu n'es pas libre. Par définition, donc tu n'es même pas d'abord libre pour commencer. Quand tu parles de libre choix, ça veut dire qu'il faut que tu choisisses ce qui te plaît, non? Tout à fait. Toi là, tu aimerais que là où tu te trouves, là, tu as choisi? Non. Donc le libre arbitre tombe là-bas dans l'eau maintenant, n'est-ce pas, frère? Tout à fait. Revenons même dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, que tu as pris maintenant, verset 19. Il est dit là-bas, et c'est là, je crois que ça va permettre aussi de rectifier beaucoup de choses maintenant. Il est dit là-bas que je place aujourd'hui devant toi. Quand on place quelque chose devant toi, tu es censé voir, non? Oui, frère. Mais au verset 29, il a dit que les yeux comment? Les yeux obscurcis, ils ne voient plus. Voilà. Maintenant, il dit que je te place devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie, toi et ta postérité, afin que tu vives. N'est-ce pas, frère? Tout à fait. Comment devrais-tu choisir la vie? Explique-moi. La vie, c'est un objet qu'on place devant, comme dans cette image-là, comme une route qu'on a mis comme ça. La vie, c'est un objet. Non. La vie, donc, c'est quoi, frère? Non. La vie, c'est quoi? La vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, justement. Donc là, depuis là-bas, la prédication en train de dire clairement que l'homme sera confronté à deux voies sur la terre. Mais le Seigneur va le conduire. Remarquez très attentivement qu'il n'en a pas parlé par rapport à la voie de la mort. Il dit que choisit la vie. Donc ça veut dire que Dieu va orienter ceux qui s'est choisi vers la vie éternelle. Et Jésus donc a dit, il est écrit dans les Écritures, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a écouté le Père et a entendu son enseignement, vient à moi. Lui qui est quoi? La vie. Donc, les gens ont comme l'impression que non, Dieu nous a donné un lieu avec qui il peut choisir la vie. Tu peux choisir la vie. Lui, il a dit que nul ne peut venir à moi si c'est le Père qui m'a envoyé de la tire. As-tu pas dit cela? Tout à fait. Donc, il ne faut pas définir les théologies des libres arbitres selon la théologie pour venir dans le corps de Christ avec cela. Dans la Bible, ça ne se trouve pas. Ce n'est pas à l'homme. Lorsqu'il marche, je le sais, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Mais si ta voix n'est pas en ton pouvoir, si tu n'as pas le contrôle sur ta propre pensée, écoutez très attentivement. Si tu n'as pas le pouvoir, le contrôle sur ta propre pensée, tu ne dois même pas faire confiance en ton propre cœur. Dans ce cas, ça veut dire même tes choix, tu ne dois pas avoir confiance. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est l'issue de la mort. » Pas vrai? Amen. Et Amen. Ouvrez Proverbe chapitre 3, voie, ouvrez. C'est terrible. Non, je suis libre de faire. Je peux accepter, je suis comme je peux accepter. Je peux sortir. Essayez de sortir du corps de Christ, alors je vois si vous êtes entré. Impossible. Essayez d'entrer alors si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas dedans. Que non, je peux refuser de servir le Seigneur. S'il s'amuse, il ne le sait pas. Si tu parles. Bon, Proverbe chapitre 3. Vous y êtes? Nous y sommes. Lisez le verset 5, voix. Quelqu'un lit le verset 5. Oui, le frère Olivier, ta connaissance est très bonne. Lis le verset 5, voix. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous avez entendu cela? Reconnais-le dans... Oui. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira ton sentier. Oui. Maintenant, allons dans le Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16. Proverbe le chapitre 16. Verset 1 et suivant. Allons-y, frère. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Oui. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Stop. Toutes les voies de l'homme sont pures. À ses yeux. Oui, mais c'est l'Éternel qui pèse les esprits. Maintenant. Mais lui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Mais vraiment, sur quelle balance alors qui pèse-t-il? Alors, la Bible déclare que le projet que forme le cœur dépend de l'homme. Donc, ça veut dire que ton cœur est en pleine méditation chaque fois. Mais regardez très attentivement, il dit, la décision que donne la bouche vient de l'Éternel. Ça veut dire que même le choix, quand tu vas vouloir parler, c'est lui qui doit décider ce que tu vas parler. Qu'est-ce que vous en dites à l'homme dedans? Dans le Proverbe chapitre 3, verset... D'abord, 1. Où est le frère? Frère, tu m'entends parce qu'il ne te voit pas sur mon écran. Je t'entends, frère. Ok, maintenant, on va aller terre à terre pour qu'on puisse saisir ceci, n'est-ce pas? Okay. Je vais poser la question juste à ce que tu te retrouves. Qui est Jésus pour nous? Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Il a encore quoi? Il est la vie. Il a encore quoi? Notre Créateur. Continuez, on va se retrouver la tribu qui est bien pour le lieu habite. Continuez, il a encore quoi? Notre Créateur. Créateur, oui. Ma soeur Hélène, il a encore quoi? Le commencement, la fin. On va faire même quatre de temps où nous finirons par ces attributs. Continuez, il y a encore quoi? Le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, la vérité, la vie. Même cinq fois, dix, même cinq, vous ne purifierez pas. Alors, continuons, il y a encore quoi? L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Continuons, ma soeur. Tu avais dit ça en français, que le commencement et la fin. Continue. Le commencement et la fin. Oui, tu as encore traduit maintenant. Allons-y, continue. Le rédempteur. Quoi, encore, continue. Il y a encore quoi? Il est l'eau de vie. Continuons. Il est la parole. Continue. Il est la parole. Il est la lumière. Le consolateur. Le consolateur, oui. Il est la résurrection. Il est là. La résurrection. La résurrection et la vie. Continuons. Le souverain. Il est souverain. Continuons. Il est le pain de vie. Le roi de vie. Le pain de vie. Continuons. Attends, il est le libérateur. Le libérateur. Continuons. Il est la porte des brebis. Il est là. La porte des brebis. Continue, Madame Gabotier, sur la voie. Continue. Il est encore. Il est le berger. Nous allons prendre cet attribut. Vous avez vu comment les attributs vous avez pris, n'est-ce pas? Nous allons prendre cet attribut et nous allons surveiller à la lettre. D'accord? Il est Il a aussi la pierre d'achèvement, ça c'est pour les autres. Il n'est pas la pierre d'achèvement pour nous, n'est-ce pas? Il est le pied angulaire pour nous. Bon, là maintenant, restons sur l'attribut du berger, le grand berger, le bon berger, n'est-ce pas? Amen. S'il est berger, nous sommes quoi? Les brebis. Ok, je vais. Merci beaucoup. Le frère Achille, tu es là? Je suis là, frère. C'est quoi une brebis? Quel est le synonyme, un autre synonyme de brebis? Mouton. Ok. On va parler du mouton maintenant, d'accord? Amen. Quelle est la caractéristique des moutons? Il suit aveuglement son maître. Aveuglement son maître. Ou mieux encore, quelqu'un a utilisé un thème là-bas. Je suis. Bêtement. Que Dieu vous bénisse. Alors, je pose la question. Vous riez, n'est-ce pas? C'est, vous voyez, quand il vous amène là-bas, vous commencez à comprendre avec le livre arbitre que ça ne tient pas, n'est-ce pas? Tout à fait. Maintenant, le mouton a-t-il le libre arbitre? Non. Que Dieu vous bénisse. Non. La France à la sainteté, bon dimanche. Bon dimanche, frère. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus, viens, nous avons besoin de toi.